conduit dans la vie croisière d'assemblage requis. Marie-Pierre et moi faisons nos propres palmarès musicaux de l'été et les chroniques de Simon Fitzbé et de Stéphanie Gagné. Assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à une autre édition de la vie de croisière d'assemblage requis en direct du SS Requis en ce jeudi 18 août 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Tu sais qu'il nous reste 3 émissions avec celle d'aujourd'hui. Oui. C'est triste, hein? C'est triste, mais c'est ça. Bien résumé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que tu es sage dans tes paroles, Marie-Pierre. Oui, donc... T'as plein de poésie. Ah, c'est vrai. T'écris bien des paroles en l'air. Donc, il nous reste 3 émissions. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit quelque chose de spécial, étant donné que le directeur musical et directeur de la programmation, Alain Lefebvre, qu'on salue en passant, est en congé. On n'a pas de nouveau palmarès. On l'a dit la semaine passée, le palmarès qu'on a dure jusqu'au 28 août. Donc, à la place de rebrasser les mêmes pièces à chaque semaine jusqu'à la fin de la session, on varie un petit peu. Oui. On va présenter nos propres palmarès de l'été. Oui, puis j'ai hâte de vous proposer mes chansons de l'été. C'est pas nécessairement des chansons récentes. Des fois, c'est des redécouvertes ou des fois, c'est... une chanson que j'avais laissée de côté ou, bon, récent, ancien, nouveau, bon, tout ça mélangé. Des choses que tu t'adonnes à aimer en ce moment, peut-être des spectacles que tu allais voir, des trucs. Peut-être que ça va influencer. C'est peut-être des indices comme ça. Moi, cet été, honnêtement, j'ai pas écouté beaucoup de musique, donc peut-être que je vais vous faire jouer des choses que je fais jouer assez fréquemment, mais aussi des trucs de palmarès depuis le début de l'été, là, des pièces qui sont adonnées à être là une fois de temps en temps, des choses que j'aime, des choses que j'ai envie d'entendre, tiens. Bon, ça voilà. Va, ça? Bon. Mm-hmm. Alors, on va commencer... on a d'autres choses à faire dans l'émission d'aujourd'hui, pas seulement de la musique. On a Simon Fitzbé qui va nous présenter sa chronique Le Scoop des Internets, comme à toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le... Scoop des Internets! Ta ta ta, Scoop des Internets! Tu la chantes mieux que moi. Faudrait que tu la rechantes sans fond, qu'on puisse la redécouper pour Simon pour l'année prochaine. Ça va aller. On a Stéphanie Gagné en fin d'émission vers les 16h15. Elle devrait être avec nous. Je crois que c'est par téléphone parce que on l'a dit la semaine passée. Elle est partie, là, c'est pour de bon. Là. À Ottawa. Gatineau, Ottawa. Ottawa. Ouais, genre. C'est pas mal en même point, ça, finalement. Un peu. Donc, on va la rejoindre pour sa chronique Ton plat favori. Peut-être d'autres surprises d'ici la fin de l'émission aussi. Mais on va commencer avec tes choix, ton palmarès. Il n'y a pas d'ordre précis. C'est pas un décompte comme traditionnel. Ben, j'ai fait un petit décompte. Ah ouais? Mettons, il y en a des chansons que j'ai plus écoutées que d'autres. En 10e position, j'ai décidé de mettre Patrick Watson avec Traveling Salesman. Ah. C'est sur son dernier album, Wooden Arms. Et lui, tu l'avais vu en spectacle récemment. Oui, il y a à peu près 2 semaines. Si vous avez une chance d'aller voir Patrick Watson en spectacle, courez-y. Et cette chanson-là est sur son dernier album, Patrick Watson and the Wooden Arms. Un excellent album. On l'écoute à l'instant dans la vie de croisière d'Assemblage requis sur CIFO. Chardonnay sitting beside, there lays a traveling man, fell from the skies, selling some peace of mind. Distance between us and the sky. Every night, my teeth are falling out de la formation. C'est The Antlers. Oui, The Antlers. Un groupe que j'ai découvert cet été. Je ne saurais pas vous dire, vous donner des informations sur d'où ils viennent, sur combien ils sont dans le groupe. Tout ce que je peux dire, c'est un bon CD. Voilà. Bon, c'est ça l'important, tu sais. Oui. Hein, les détails là, dans la vie. Là. On s'attarde trop souvent aux détails, là, aux détails. Au détour. Comme vous voulez. Comme tu veux, Mathieu. Donc ça, c'est les positions 10 et 9 de ton palmarès de l'été. Oui, maintenant. Mon palmarès de l'été. Bien joué. On continuera tantôt avec d'autres positions. Mais avant ça, tu nous parles de quoi, donc? Oui, je vous parle des sages fous. Si quelques-uns d'entre vous ont déjà écouté l'émission, j'en ai déjà parlé une fois il y a à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça, un peu au début de l'été. Et si vous n'avez pas écouté l'émission, ben honte à vous. Je vous l'explique quand même. Hein? Bon, d'accord. Je ne vous laisserai pas comme ça. Les sages fous, en fait, c'est une compagnie de marionnettes. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais c'est installé à Trois-Rivières, mm-hmm. dans le vieux Trois-Rivières. Ils se disent comme des dompteurs de marionnettes sauvages. Ils créent un univers paradoxal, grotesque, poétique. Supposément, moi, je ne l'ai pas encore vu, je vais le voir bientôt, que c'est un théâtre de marionnettes qui est surprenant. Ça dérange, sauvage, indiscipliné. Donc, ils se décrivent comme ça, une compagnie de marionnettes, les sages fous installés à Trois-Rivières. Prochainement. prochainement, c'est un jeu de mots avec les marionnettes parce que ça m'a amené. Ah, le lapsus. Ouais. Les 2, 3 et 4 septembre à 19h sur la rue Saint-François-Xavier, dans le vieux Trois-Rivières, il y a leur, on peut dire, leur numéro, leur mm-hmm. théâtre, le Cirque Orphelin. Donc, c'est une nouvelle pièce, un nouveau numéro de marionnettes. Nouvelle œuvre. Une nouvelle œuvre, on va dire ça comme d'accord. ça, qu'ils ont monté dernièrement. Donc, le Cirque Orphelin, ça se passe supposément dans une cour à scrap. Ah. Donc, ça peut être intéressant. Selon moi, ça, c'est pas pour les enfants. Ils disent 9 ans et plus. Donc, ça doit être 9 ans et plus. Ben bon. Ouais. T'apportes pas un enfant de 7 ans, non. Il risque d'avoir peur, j'imagine. 9 ans, bon, t'as son papa à côté, ça va. Mais j'ai hâte de voir ça. Je crois qu'il reste de la place pour les 2, 3, 4 septembre parce que ce matin, j'ai réussi à m'acheter des billets. Mm-hmm. Donc, appelez le plus rapidement possible. Si vous voulez avoir des billets, c'est à l'Office de tourisme de Trois-Rivières. Bon, le gros point d'interrogation dans le centre-ville, oui. proche du Café Morgan, du Torréfacteur. Et c'est 12$. C'est pas cher pour l'expérience. Pas cher du tout. Non, pas cher. C'est à peine plus cher qu'un dollar par doigt. À peine. Si on voit ça comme ça. Faut que je traduise pour les marionnettes qui sont à l'écoute quand même. OK. Genre... est-ce que tu as vu le nouveau film des Muppets qui s'en vient? Je sais que c'est vraiment pas le même calibre. Là, sûrement que les gens des sages-fous doivent totalement rire de moi si je parle du nouveau film des Muppets. Mais ça non, j'ai pas entendu parler du nouveau film des Muppets. J'ai hâte d'aller voir ça avec tout le monde, évidemment, des Muppets là-dedans. Le gars qui joue... Ça, c'est Miss Piggy Oui, exactement. Okay. Exactement, Kermit, etc. OK. Plein de numéros musicaux, très, très colorés, avec un scénario qui m'a l'air assez intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Je suis le même. On reste aux aguets. Oui, c'est ça. Oui. Ça a l'air vraiment pendu à mes lèvres. c'est tout? Oui, merci, c'est tout pour Marie-Pierre. Le moment. On continue ton beau palmarès estival 2011. Yes. Oui. En 8e position, un groupe que je vous ai déjà fait écouter cet été, Beach House, avec la chanson Walk in the Park. Bon, on écoute ça dans la vie de croisière d'Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ça a l'air bon. Ça a de bons choix. Go for relax. Be afraid of the old, they'll inherit your soul. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. I play more of the deluge, after me comes the flood. I must go on standing. You can't break that which is in yours, yours. Весною черною горит февраль, достать чернила плакать, писать о феврале навзрыд бокал, грохочущая слякоть. Весною черною chocolat. Là, on parlait de quoi, en fait? De Twango. Twango, j'ai découvert ça. Ah oui. J'ai découvert ça hier. Mes amis m'en avaient parlé. C'est, on dirait que c'est comme une, pas une compagnie, mais c'est un site internet sur lequel il y a des offres pour différents produits. Par exemple, une chocolaterie, tu payes 20$, t'as 40$ de chocolat. C'est plein de rabais dans plein d'endroits à Trois-Rivières. Puis c'est sur Internet. Puis tu fais juste t'inscrire, c'est gratuit. Et tu peux t'acheter certaines choses selon ce qui t'intéresse. Donc. Est-ce que c'est juste à Trois-Rivières ou faut-être dans une section Trois-Rivières? Ah non, mais tu peux choisir ta ville. Tu peux choisir Montréal, okay. Québec, Trois-Rivières. Donc tu fais un peu le tour, mais ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir les offres qu'il va y avoir. Comment on appelle le Twango? T-U-A-N-G-O. Parfait, on tient ça. Merci. Maintenant, Marie-Pierre, je ne sais pas si tu en as envie, mais même si tu n'en as pas envie, je vais un petit peu te forcer à subir le calvaire qu'on appelle la chronique. C'est un fait. J'en ai mis du suspense, hein? C'est un fait. La chronique, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, je vais essayer de t'enseigner quelques petites affaires, ou en tout cas, espérons que tout est vrai là-dedans. Hein? C'est sur Internet qu'on trouve ces faits-là, donc est-ce qu'ils sont tous vrais? On ne sait pas. Savais-tu que si ta deuxième orteil, c'est la côté de la grosse orteil, hein, est plus longue que ton gros orteil, ça s'appelle Morton's Toe, l'orteil de Morton. Non. Eh bien, mais pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas? Non. C'est pas? Non, je ne sais pas. J'ai de la misère à m'imaginer mon pied sans le regarder. C'est pas toujours beau, hein? Une deuxième orteil plus grande que la grosse orteil. Pas toujours bien sur l'heure du midi d'entendre parler de ça. Mais non, c'est pas grave. Cette date, le 16 août dernier, en 1977, on sait tous, Elvis Presley est mort. Bon, je n'apprends rien là-dessus, mais il avait 42 ans à sa mort et il avait 1 055 173,69 $ dans un compte en banque sans intérêt, qui ne ramasse pas d'intérêt. D'accord. Il avait juste mis ça de côté. $1 million. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Environ un homard sur 4 millions né avec une défectuosité génétique rare. Il est bleu. Oui, mais oui. Pas juste bleu. Il y en a qui sont bleus, ça c'est 1 sur 4 millions, mais 1 sur 30 millions et quelle couleur? Non. Attends, il va être jaune. Oui, jaune. Oh. Bravo, mais comment ça se fait que c'est ça? J'ai écouté l'émission Les Chefs l'année passée. Ah oui, est-ce que tu as goûté à ces homards-là? Non. C'est non, dur non. À trouver, hein? Ben, c'est dur à trouver, mais même le homard normal, on dirait que quand je l'ai dans mon assiette, j'ai plus le goût d'en manger. C'est moins appétissant. De voir la bibitte. Vive les bâtons de goberge, finalement. C'est un peu ça que ça veut dire. La saveur de chair de homard. C'est excellent, ça. Certaines églises font un petit peu d'argent de poche. Bon, non seulement ils font beaucoup de cash sur le dos des gens, on s'entend des églises, c'est un petit peu là pour casser le monde. Ils font un petit peu plus d'argent de poche en mettant des tours de téléphone cellulaire à l'intérieur des soutiens de l'église. Il y a des espèces de grosses affaires qui tiennent le toit d'une église. Ils mettent des tours de téléphone cellulaire là-dedans. C'est pas d'argent. Ben oui, mais c'est pratique. C'est utile pour aller voir Facebook pendant que le prêtre te dit n'importe quoi. Quand Coca-Cola a annoncé le retour de la formule originale de Coke, tu te rappelles, dans les années, dans les années 80, Coke avait présenté la nouvelle version de leur boisson. C'était New Coke. C'était une nouvelle formule, une nouvelle saveur, non? Non, j'étais un peu trop jeune dans les années 80. Ouais. Ben, donc, la nouvelle saveur n'a pas fait fureur. Hein? Donc, tant mieux pour tout le monde, parce qu'ils sont revenus à l'ancienne formule. Et là, tout le monde capotait tellement qu'en 1985, à l'annonce du retour à l'ancienne formule, ABC News a interrompu un épisode de General Hospital, qui est un roman savant, pour donner la nouvelle aux États-Unis. Tellement que le monde les capotait, là, New Coke, là, personne n'en voulait. Là. Personne n'en voulait. Mais je ne sais pas si la recette a été gardée pour un autre produit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette recette-là de New Coke. J'en ai aucune idée. J'aimerais savoir et j'aimerais y goûter. Je ne sais pas si c'est le même genre que... Tu sais, dans les épiceries, il y a des marques cheap là, de différentes boissons gazeuses, dont, entre autres, Virage Cola. Tu sais? Puis il y en a l'autre. Il y a comme deux noms différents. Tu as une bouteille rouge puis une bouteille bleue. Je ne sais pas si c'est des imitations de Pepsi et de Coke ou est-ce que c'est supposé goûter plus... comme l'ancienne recette de New Coke. J'ai aucune idée. J'aimerais savoir ça aussi, sur quoi il se base, parce que à mon avis, ça goûte comme rien d'autre, dans le fond. Ça goûte pas du tout le Coke ni le Pepsi. Bon. Ça dépend des marques. Hein? Pas une grande buveuse de boissons gazeuses, apparemment. Absolument hein? Pas. Moi non plus, maintenant, j'essaie de me calmer. L'Islande consomme, parlant de Coca-Cola, plus de Coke par personne que n'importe quel autre pays au monde. L'Islande. Ils sont pas beaucoup, par exemple, en Islande. Non, mais c'est par capita, donc c'est par personne si on y va proportionnellement parlant. Ouh. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben & Jerry, la marque de crème glacée. Oui. Ils ont appris comment faire de la crème glacée en prenant un cours par correspondance, un cours à 5 $ offert par Penn State, l'université Penn State, 5 $, et ils ont décidé de séparer un seul cours à deux. C'était rentable. C'est très rentable, très cheap. Pas prendre chacun son propre cours, mais bon. Ça doit être légal parce qu'il y a personne pour surveiller ces affaires-là. Ils ont reçu, comment t'appelles ça, une affaire, quand tu reçois de l'argent du gouvernement, quelque chose du genre, une subvention d'€1 million. En Europe, ils ont ouvert, en Italie en fait, la première, ça s'appelle First Tell School, ils ont ouvert ça en 2003, c'est un programme qui éduque ses étudiants dans l'art de devenir un animateur de jeux télévisés. En 2003, fondé avec $1 million. First Tell School. Je savais pas que tu pouvais faire... carrière là-dedans en choisissant de le faire. T'sais. Je pensais qu'on te demandait un jour, après une longue carrière, soit d'acteur ou de n'importe quoi d'autre, d'animer un jeu télé. Mais bon, que voulez-vous? L'endroit avec le plus court nom, c'est A, dans le monde au complet. A, majuscule, avec le petit rond dessus. Là, c'est le, comment t'appelles ça? Là? L'affaire, le petit rond dessus. Donc, c'est ça le nom de l'endroit le nom le plus court d'un endroit, voilà. Qui est en Suède et en Norvège. Dans les langues scandinaves, le A avec un petit rond dessus veut dire rivière. Et c'est le nom de la place. Il y a d'ailleurs des gens qui volent les pancartes, évidemment, pour le facteur impressionnant d'avoir une pancarte avec une seule lettre dessus. Ils sont obligés de les remplacer une fois de temps en temps. C'est triste. Savais-tu qu'il y a 425 feuilles dans un rouleau de papier de toilette de marque Kirkland? Tu sais, chez Costco, la marque Kirkland Signature. Donc, 425 feuilles par rouleau. Pourquoi? Parce que le 425, c'est le code régional téléphonique de Kirkland, Washington, où Costco a été fondé. C'est logique. C'est logique, mais ça sert vraiment à rien. Absolument à rien. Ben, j'aime ça. C'est des affaires comme ça que j'aime le plus savoir. Le vrai nom de la mascotte de Monopoly, c'est bon, celui qu'on appelle en anglais souvent Rich Uncle Pennybags. Son vrai nom, c'est Milburn Pennybags. Okay, ben. Aussi, le policier dans Monopoly a son propre nom. On peut remercier l'officier Edgar Mallory. La prochaine fois qu'on sera envoyé en prison dans Monopoly. Edgar Mallory. Je sais pas si en français, ils ont traduit ça. J'en ai aucune idée. Parlant de nom au complet, celui-là, je crois que je l'avais déjà dit en onde, mais le nom au complet de Barbie est Barbara Millicent Roberts. Oh. Mais celui que j'ai pas dit, je crois pas, c'est que le nom de famille de Ken et Carson. Ken Carson. Le beau Ken. Ah, qu'il est joli, hein? Bel homme, comme on dit. Bel homme. Pas très proportionnel. Non. Côté, ni comme Barbie, d'ailleurs. Non, c'est ça. Pas tout à fait. Un pic-bois peut piquer, si on veut, 19 fois par seconde au maximum, qu'on nous dit. Donc, le terme pour ce piquement, piquage rythmique, on dit en anglais « drumming », comme jouer de la batterie. Et les pic-bois le font pour communiquer avec les autres membres de leur espèce, soit pour marquer leur territoire ou pour attirer quelqu'un du sexe opposé. Évidemment, le bruit est produit en frappant répétitivement contre une surface, souvent un arbre, mais ça peut être d'autres choses aussi. Chaque fois que le pic-bois fait du drumming, comme ça peut durer entre une demi-seconde et deux secondes de temps. Et pendant ce temps-là, il va frapper presque 40 fois, que ça nous dit. Le type de piquage plus lent s'appelle tapping, et ça, c'est fait surtout pour se nourrir. Il voyait plus lentement quand c'est pour se nourrir. Et bon à savoir. Entre 18 et 35 % des êtres humains ont un désordre génétique qui fait qu'ils éternuent incontrôlablement lorsqu'exposés à une lumière très, très forte. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ben, j'ai jamais remarqué. Mais maintenant, tu vas peut-être le remarquer. Oui, si je vais peut-être remarquer la prochaine fois que j'aptume. Ben, justement. Parce que moi, c'est toujours trois fois de suite. Ah oui, ben oui. Trois, jamais quatre? Non, c'est okay. Trois fois de suite. Ouais. Ouais. Okay. cette condition-là s'appelle photic sneeze reflex en anglais et on l'appelle souvent, et là c'est un peu long, là, autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst syndrome ou encore le achou. A-C-H-O-O. C'est bien, hein? Ils ont réussi à trouver des mots qui allaient avec le mot achou. Est-ce qu'il parle aussi. Je sais, moi, quand je m'épile les sourcils, okay. Ça fait apchoumer. Ah, je connais vrai. D'autres personnes, ça fait la même chose. Ah, je sais pas s'il faudrait voir s'il y a une règle avec tout ça, là. Mais ça fait apchoumer. Veux-tu qu'on essaie? Ben, si tu veux. Non, à la radio, sur ça toi. Ah, sur moi. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. J'aimerais mieux pas... Quoique, il commence à être pas mal de soucis. La première mention de ce désordre-là a été faite en Grèce antique par le philosophe Aristote, qui a écrit « Pourquoi est-ce que la chaleur du soleil me fait éternuer? » Bon, donc plusieurs siècles plus tard, on essaie toujours de comprendre pourquoi ça arrive, cette chose-là. On parle que les éternuements sont causés par une irritation dans le nez qui est détectée par le nerf trigéminal, je ne sais pas trop comment le prononcer. Ce nerf-là est très, très près du nerf optique qui sent les stimuli, au pluriel, visuels. Par exemple, de la lumière qui arriverait devant ton visage. Les scientifiques croient que c'est quand le nerf envoie une impulsion disant au cerveau de fermer les paupières à cause de la lumière que ça engendre un signal électrique ramassé par le nerf trigéminal là, et qui est pris pour une irritation nasale. Voilà. Tout est mélangé. Ça comme ça. C'est à peu près ça. C'est vraiment mieux dit comme ça. L'utilisateur moyen de Facebook de nos jours change sa photo de profil trois fois plus souvent qu'en 2006. Eh bien. En moyenne, l'utilisateur en 2011 envoie 18 photos par année sur son profil Facebook, un nombre qui augmente à chaque année. En 2006, la moyenne était seulement de 6 par année. Et depuis que Facebook a commencé à noter, si on veut, ou en tout cas à archiver le nombre de photos qu'un utilisateur utilise comme photo de profil, l'utilisateur moyen a utilisé 26 photos sur son profil dans la vie de son compte Facebook depuis qu'il gère ces affaires-là. On dit que les femmes changent leur photo de profil plus souvent que les hommes. Pas très surpris dans ce cas-ci. Une fois par 2 semaines pour les filles et une fois par 3 semaines pour les gars. Je crois que ça doit faire genre 8 mois que j'ai pas changé ma photo sur Facebook. Je fais pas partie de la moyenne, hein? Bizarre. Vous pouvez en apprendre plus sur ces trucs-là de Facebook en allant voir un nouveau site qui s'appelle Pixabay, qui est une application pour s'occuper de vos photos dans les médias sociaux. Donc, c'est pixabay.com. L'athlète professionnel le plus vieux du monde avait quel âge? Attends, devine. Je vais dire un chiffre exagéré. Mm-hmm. 72 ans. Exagère encore plus. 80? Plus encore. 85? Plus encore. 90? Plus encore. 93? Plus encore! Oh non! 100? Plus encore! Mais là... 104 ans. Mais voyons. Je te jure. John Whitmore était un athlète pendant très très longtemps. Dis-moi qu'il jouait au dard. Non, c'est quand même quelque chose de plus intense que ça. Il s'est rendu dans le livre des records Guinness à l'âge de 104 ans avant de devenir officiellement l'athlète le plus vieux du monde. Sa dernière compétition date de 2004. C'était juste avant son 105e anniversaire et moins d'un an avant sa mort en 2005. Il a lancé le javelot, évidemment. Et le disque... Le disque. Le lancer du javelot. Moi, j'écoute les Olympiques une fois par vie. Mathieu, au primaire, ils te l'ont pas fait faire au secondaire? Non, peut-être. Les Olympiades, hein? Ça me rappelle mes pires journées de ma vie. Je me souviens de mon plus beau lancer du javelot en secondaire 1. Il me l'avait un peu mal expliqué. Je l'avais reçu derrière la tête. C'était un moment mémorable. Est-ce que ça t'a fait des bleus? Ah, je sais pas. Je m'en souviens pas, mais c'était... Mettons, on va dire ça, là. C'était comme très, très gênant. Ah. C'était très raté, là. Ouais. Ouais. Ça résume tous mes cours d'éducation physique et toutes les années. Selon Whitmore, il dit, et je cite, il a dit, parce qu'il est mort, hein, il a dit, et je cite, « Si je l'échappe pas sur mon pied, je vais avoir le record du monde. » Le gars était réaliste, c'est vrai. T'es le plus vieux du monde. Tu sais, j'ai dit lancer de fléchette, mais le javelot, c'est pas une immense fléchette. J'étais proche. Peut-être un petit peu, peut-être plus lourde un peu. Faut lui donner le... Neil Patrick Harris, tu connais l'acteur Neil Patrick Harris? C'était entre autres Dr. Doogie. Et maintenant, il est dans How I Met Your Mother. Je l'ai rencontré. Donc, Neil Patrick Harris a eu le rôle de Barney Stinson dans l'émission How I Met Your Mother en gaffant lors d'une audition. Et en fait, c'est une drôle d'histoire parce que Neil Patrick Harris, que les gens aiment et apprécient beaucoup, il est sur des posters, des t-shirts, ça dit What Would NPH Do? Il est comme, c'est rendu un genre de dieu geek, si on veut, au lieu d'un dieu grec. L'affaire, c'est que je pensais pas qu'il était un petit peu prétentieux comme ça. Parce qu'il dit qu'en essayant, en allant à l'audition pour jouer le rôle de Barney dans cette émission-là, Harris était certain qu'elle allait avoir le rôle. Il était convaincu qu'on lui donnerait le rôle. Donc, il a fait exprès pour ambitionner le plus possible son jeu. Il faisait des culbutes, sans faire jouer dans des affaires, mais par exprès. Hein. Okay. Et donc, le chairman de CBS, Les Moonves, a vu sa performance exagérée et il était impressionné. Donc, il a eu le rôle. Qu'il voulait pas. Ben non, c'est là qu'il l'aurait. Donc, il se disait que même en gaffant, il l'aurait quand même. Genre... C'est un peu au-dessus de ses affaires, mettons. Peut-être. Mais bon, on l'adore quand même, NPH. Sa face, tu dis rien? Je viens d'aller voir sur Google. J'ai vu son visage, mais je le connais pas. Toujours pas. D'accord. Non. Et on termine avec un fait sur la CIA qui a essayé d'utiliser des chats comme espions. Ah oui. Pourquoi pas? La CIA a passé 5 ans à travailler sur une technologie pour implanter un appareil d'écoute dans des chats et les entraîner, en fond, entraîner une chatte spécifiquement pour écouter des conversations privées. Donc, le chat a été manipulé pour avoir un microphone dans son oreille et une antenne qui lui passait dans le dos en dessous de ses poils. Vu que le chat était tout petit, le transmetteur n'était pas équipé avec une très, très bonne batterie, donc ça pouvait enregistrer juste des petites conversations pas très, très longues. En plus de ça, non seulement c'était pas pratique de devoir revenir recharger sa batterie ou l'échanger à chaque quelques minutes, le chat a très mal performé pendant son premier test, même que le chat espion a été frappé par une voiture. Pauvre petit chat. Oui. Il s'en allait en Union soviétique, quelque chose du genre, il s'est fait frapper. Eh ben. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Drôle d'affaire. Là. Eh ben. Eh ben. Eh ben. On va continuer avec... un petit peu de choix musical de ma part. Tantôt, on a entendu tes premières positions de ton palmarès estival 2011. Oui. On rappelle que c'est pas nécessairement des pièces récentes, c'est pas nécessairement des gros succès du palmarès de C'est fou. Ça peut être pas mal n'importe quoi. Ça peut être vieux, ça peut être récent. C'est quelque chose qu'on aime en ce moment. Anglophone, francophone, oui. un peu mélangé. T'as fait jouer du russe, je crois, tantôt aussi. Non, c'était la chanson Après moi de Regina Spektor. Ouais. Elle chante en français, en anglais et une partie est en russe. Donc, c'est vraiment mélangé. Drôle le mélange, mais c'est oui, bon. Oui, oui. Donc, on va entendre Galaxy avec l'extrait Shanghai. Mon début avec Malajube. Voici Radiologie. Sur C'est fou 89.1 FM. D'assemblage requis sur C'est fou. Yeah. Galaxy et la pièce Shanghai sur l'album Tigre et Diesel Arrar. Attends, ça c'était Tigre. Diesel, c'est... Vroom, vroom. Mettons. Vroom, vroom, vroom, vroom. Bon, mais sur ce beau moment. Avant ça, c'était nos amis de Malajub avec Radiologie sur la vie de croisière d'assemblage requis. Bon. Marie-Pierre, t'as envie encore de nous discuter d'un sujet là, des plus passionnants comme tu sais si bien le faire. Oh. Mais en fait, Mathieu, est-ce que tu connais l'atelier presse-papier dans le centre-ville? J'ai déjà entendu parler. Est-ce que je suis déjà allé? Non, par contre. OK, parce que j'ai découvert ça cette semaine. J'ai vu une publicité pour un type d'événement qui s'appelle T-Shirtville. OK. Le T-shirt que je porte, là, oui, très joli. C'est un artiste de Trois-Rivières qui l'a fait. Ah, pour qui vrai? A imprimé les dessins dessus. Donc, T-Shirtville, c'est un événement qui dure du 11 au 21 août. Donc, du 11 au 21 août, entre 13h et 20h, vous pouvez vous rendre à l'atelier presse-papier qui est dans le centre-ville. Mon Dieu, c'est quoi le nom de la rue? C'est difficile à dire. Attends. J'ai pas pris en note le nom de la rue. Mais je vais vous le dire. C'est quand vous êtes sur la rue du Torréfacteur, sur la rue. Cette rue-là. Bon, la rue du Torréfacteur et du point d'interrogation. À un moment donné, vous pouvez tourner à gauche sur une petite rue qui s'en va vers le fleuve. C'est la rue Saint-Antoine. Voilà, Saint-Antoine, sur la rue Saint-Antoine. Et bon, l'atelier presse-papier qui a une exposition à l'intérieur. Des temples. Donc, c'est une sorte de. Un centre d'artistes qui est dédié aux estampes. Et bon, cet événement-là, c'est qu'ils impriment, ils font de la sérigraphie. Donc, un procédé qui est possible à partir de dessins, par exemple, créés avec Photoshop, d'imprimer ces dessins-là sur différents t-shirts. Donc, par exemple, le mien, il est rouge, il y a des dessins noirs, des dessins roses, mais il pourrait changer les couleurs pour avoir le même dessin et le faire imprimer, si je me trompe pas, par exemple, sur un t-shirt blanc, en bleu et en rouge. T'sais. Donc, je crois qu'ils peuvent jouer avec les couleurs comme ça. Mais je suis allée voir et c'est des très beaux t-shirts. Il y en a pour toutes les grandeurs. Il y en a pour les gars, plus pour les filles, de toutes les couleurs. Et c'est des beaux dessins. Tu sais, t'as le goût d'en acheter plusieurs quand tu y vas. Et c'est ça, combien de t-shirts, tu dis? Ça varie entre, je pense, j'en ai vu à 15$ jusqu'à 25$ à peu près. D'accord. Ça tourne autour de ça. Donc, le prix normal pour un t-shirt. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est 15 artistes de Trois-Rivières et des alentours qui ont décidé de faire cet événement-là. Et parmi eux, j'ai pris quelques noms. Il y a Fontaine le Riche, Émilie Guilbeault, Benoît Perrault, Isabelle Gauvin, Karine Beaulieu. Il y a quelques-uns dans ces personnes-là qui ont étudié à l'UQTR. Mm-hmm. Et bon, c'est des artistes de la relève. Et le 21 août, si vous souhaitez vous en acheter ou aller voir de quoi ça a l'air, c'est la journée qu'on m'a dit pour y aller, étant donné que c'est le vernissage. Donc, à l'atelier presse-papier, à 14h le 21 août, on m'a dit que c'est là qu'il allait avoir le plus de chandails. D'accord, et ça, c'est dimanche, là. C'est dimanche qui s'en vient. Oui. Et également, ils vont en vendre pendant le Festival urbain de Trois-Rivières le 19 et 20 août. Ils ont dit qu'il allait avoir un kiosque proche de la rue Notre-Dame. Tout à fait, le Festival urbain, qu'on est très heureux d'être associé avec eux à toutes les années. Allez voir sur festivalurbain.com pour toutes les informations et les activités qui vont être offertes à vous, chers trifluviens et d'ailleurs, d'autres gens de d'autres villes qui viendraient par hasard. Donc, festivalurbain.com et c'est comme tu disais du 18 au 21 août. Bon. Oui. Merci, Marie-Pierre. Mais de rien. Allez voir ça, même sur Facebook. Je crois qu'il y a un événement T-Shirtville, si vous voulez avoir plus d'informations. Parfait. Il est très beau, leur site à l'atelier presse-papier, vraiment. Mm-hmm. Très joli. On continue avec un autre bloc de ton côté cette fois-ci. On rappelle qu'on fait notre petit palmarès un peu improvisé, mais toi, il est pas mal plus organisé que le mien finalement. Genre, des pièces qu'on a préférées cet été, pas nécessairement des pièces qui sont sorties cet été, mais juste qu'on aime cet été. Oui, mais celle que je vais vous faire entendre en ma sixième position, c'est on l'a fait jouer cet été. Mm-hmm. C'est Okkervil River avec la chanson White Shadow Waltz. Bon, on écoute ça à la vie de croisière d'assemblage requis. Ça, c'est fou. C'était Okkervil River avec White Shadow Walls. Oh oui. C'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. On vient de retrouver avec une deuxième heure. Et dans cette deuxième heure, il va y avoir Simon Fitzbé avec sa chronique Le Scout des Internets. Tadalatata. Non? Tadalatata. Je chante pas. Tadalatata. La la la. La la la la. Non? On va en pause, Mathieu. OK, on vient. Reste là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour à la vie de croisière d'Assemblage Requis en direct du SS Requis, le célèbre bateau de C'est fou tout l'été. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. On parlait de friteuses et de différentes choses qui nous font peur dans la vie parce que ma copine récemment a vu un deal, un beau marché, une belle offre. Un rabais. Un rabais sur une friteuse George Foreman, ça. C'est George Foreman, le boxeur. Et puis donc, elle a acheté. Puis en fait, on va pouvoir l'utiliser, faire des frites, faire des rondelles d'oignon. Mais toi, t'as peur des friteuses? Ben, je suis tellement gaffeuse, un peu, tu sais, échapper un chaudron. Je me sens jamais ben agile, on va dire ça comme ça. Fait qu'on dirait que ça me fait peur. Puis là, après ça, tu m'as raconté que le barbecue, c'est dangereux pour toi. C'est ça, moi, les friteuses, c'est tel que tel. Je me suis dit, la technologie est très avancée. Une fois qu'elle est mise sur le comptoir, tu y touches plus, tu la laisses là. Puis tu attends que ce soit froid avant de la vider, etc. Tu devrais pas avoir de danger. Mais le barbecue, la semaine passée, le bouton qui permet d'allumer le barbecue a arrêté de fonctionner sur notre barbecue cheapo, qu'on a acheté en méga deal rabais. Donc, il fonctionnait plus. J'ai été obligé de prendre le briquet. On m'avait montré comment prendre le briquet, mais je suis allé trop loin en dessous. Trop loin. Et ça a fait une grosse flamme là, directement devant mes yeux, devant ma face. Même que ça a passé sur ma main et mes poils sont plus rugueux. Ils se sont retortillés sur eux-mêmes, mes poils de ma main droite. Très, très bien. Donc là, j'ai peur des barbecues. Imagine comment ça aurait été. Toi, la face un peu, un peu brûlée, puis moi, les verres de contact qui font mal, donc je cligne des yeux, toi, la face brûlée. Ça aurait été beau. Le duo de votre été. Mais ça pour dire que je vais partir le barbecue sûrement sur le côté comme je serais supposé de le faire. T'sais. Mais c'est marqué « Lire les instructions », peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Dans la vie, ça t'apprendra, tu sais, mettons, à pas lire les instructions, puis après ça, tu te fais mal. Oui. Ça t'apprendra une leçon. Belle tranche de vie ici à la vie de croisière d'Assemblage Requis. On est à quelques minutes de la chronique de Simon Fitzbé. Par quelques minutes, je parle de quelques dizaines de minutes. On va continuer avec la suite de ton bloc. On avait débuté tantôt avec Okkervil River, mais il te restait une autre pièce. Oui, encore et toujours Smith Westerns. Ah, au début de l'été, on les faisait jouer à chaque semaine. Oui, je me suis calmée un peu. Oui. Mais là, ça n'a pas le choix d'être dans mon top 10 de l'été. Ça n'a pas le choix parce que non, c'est bon. Parce que c'est bon. Et c'est toujours un peu nouveau. C'est quand même récent. Still New, c'est genre. C'est oui. Still New de Smith Westerns. Smith Westerns et la pièce Still New. C'est bon, c'est sur l'album Diet Blonde. Oui. Eh oui, eh oui. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou. Maintenant, ça va être mon bloc. C'est à ton tour. C'est à mon tour, là. J'ai choisi deux pièces que j'ai vraiment adorées cet été. En fait, est-ce que ça continue de jouer, ça? Oui. Ben oui, ça sent bien. Ils font comme de reculons. Youp, et voilà. Ben oui. Voilà. De reculons. Oui. On pourrait faire l'émission complète de reculons, c'est pas pire. Ouf. Ou avec le dos de la tête face au micro. Personne ne nous entendrait, ce serait tellement meilleur quand c'est moi qui parle. Genre. En tout cas. Donc, Ringo Death Star, qui est un succès du palmarès. Au début de l'été, on n'arrêtait pas de la faire jouer à la pièce So High sur leur album Color Trip. On va entendre ça, mais on va débuter avec une pièce qui n'a pas encore été sur le palmarès. Et je ne sais pas si elle va l'être. Je ne sais pas si l'album commence à être peut-être un petit peu vieux à un moment donné pour mettre sur le palmarès. Mais bon. C'est la pièce Problems de Mother Mother sur leur album Eureka. On sait que Mother Mother ont eu Chasing It Down sur le palmarès. Récemment, il y a eu The Stand. Je ne sais pas s'il est encore là, Mother Mother, avec The Stand. Excellente question, hein? Je pense pas. Mais bon. Donc, on va écouter Problems tout de suite. C'est tout. C'est ça. Hein? On s'en fout-tu, c'est d'accord, là? Hein? On s'en fout? Dis-le que tu t'en fous. Je m'en fous. Ah. Merci. Merci de te foutre de tout ce que je dis. Yeah, I found love in the strangest place. Tied So High de Ringo Death Star, c'est sur mon petit palmarès estival d'un petit peu monté n'importe comment. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, Marie-Pierre Laforge-Bourret qui est toujours avec moi, Mathieu Plante. Et là, tu as trois petites activités à nous présenter, mais on va y aller tranquillement une à la fois. Oui, j'ai décidé de vous faire un trio d'activités. Il va y avoir une activité pour les killers, okay. Une activité pour les médiums, puis une activité pour les frileux. Okay? Ah, les frileux. Les frileux. Ça, c'est nous deux, ça, genre, c'est... non? Ben, moi, je me... ça dépend, OK? D'accord. L'activité killer, c'est... oui. Je suis allée en fin de semaine à Rawdon. Rawdon. À Rawdon. Oui. Au Bigfoot Pinball. OK? Okay? Donc, ça, c'est pour vous, là. Okay? Ah, pour... Ben oui, ça ressemble à un jeu vidéo. Donc, si vous êtes geek, vous seriez supposé aimer ça. Simon peut participer si jamais il en a envie. Simon Fitzbé qui va être avec nous tantôt pour sa chronique. Oui. Je suis pas très paintball. J'ai jamais essayé, mais okay. Je suis pas sûr que j'aimerais ça. Moi. OK. J'ai essayé. J'ai pas aimé ça. Okay? T'as des jaunes pour le prouver. On appelle plus ça des jaunes. Ouais, j'ai six jaunes sur moi présentement. Okay? Ah, ça, six. Je m'étais fait dire que c'est comme une pichenote. Pas exactement. Une méchante pichenote de fou, là. Oui, une méchante pichenote de fou. Tu sais, quand on t'attribue le nom de Bourriquet, là, ton nom ah, là-bas. Ah, Bourré Bourriquet, non, j'aime non. ça. Non, tu Bourriquet dans ah. Winnie the Pooh, là. Ouais. OK. Est-ce lui, il aurait été meilleur que moi, là. Je peux pas t'appeler Bourriquet? Non, ça va, ça D'accord. va. Mais bon, pour ceux qui sont plus killer que moi et qui aiment avoir peur, faire mal et avoir mal, on peut dire ça comme ça. Oui, il y a sûrement beaucoup, des gens comme beaucoup ça. De monde qui aime ça, OK? Mm-hmm. Parce qu'il y avait tellement de monde là-bas, là, c'est incroyable. Puis des gens qui sont vraiment dedans, là. T'sais, on dirait que leur vie en dépend. Et c'est pas une blague, là. T'sais, au lieu d'en tirer juste une, t'en tires six. Là. Pour être c'est sûr, c'est là. Moi ou toi, là, OK? Il y en a qui jouent vraiment comme ça. Pour ceux qui aiment ça, les genres d'activités comme ça, c'est parfait. J'ai même été avec des filles, puis certaines des filles qui ont adoré ça. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité. Je suis pas très violente, donc ça faisait de moi la cible parfaite. Ouais. Comme toi, probablement, sûrement, Mathieu. Ouais. Mais pour ceux qui aiment les activités comme ça, je suis certaine que c'est un des meilleurs centres de paintball au Québec. Parce que, premièrement, les décors sont absolument fous. C'est pas juste... c'est extérieur. Donc, c'est des grands espaces dans la forêt. Tu piles dans la boîte et tu passes en dessous des, pas en dessous des arbres, mais tu te caches derrière les arbres, derrière des buissons. Des fois, il y a des panneaux de bois de montée. Tu te caches derrière ça. Des fois, il y a des trous dans les panneaux de bois. Il y en a qui visent assez bien pour te l'envoyer dessus. Sûrement. Donc, c'est vraiment super bien monté. Il y a même des scénarios. Donc, par exemple, vous êtes les Allemands. Eux, c'est... les Français, partie, c'est le débarquement ouais. de Normandie. Mm-hmm. Et voilà, ceux qui débarquent en Normandie se font tirer dessus. Et puis bon, c'est tout plein de scénarios comme ça dans des endroits vraiment très bien faits. Okay, ça, les gens qui trippent sur les jeux de vidéo, un peu de ce type-là, ils vont se croire dans le jeu vidéo là, facilement. Mm. C'est vraiment très bien fait. Pour ce qui est du tarif, une petite surprise... c'est autour de 80$ pour la journée. Ouh, OK. Ouais, mais... Moi, je suis allée avec des amis et c'était moitié prix parce qu'ils font tirer dans les centres d'achat, tu remplis un bon et ouais, bon, c'est moitié prix pour toi et ta gang d'amis. Mais si tu n'as pas ce moitié prix-là, c'est à peu près 80$. Pour... Donc, ça inclut l'équipement, un casque, ça inclut une chienne. Donc, ouais. Tout le monde a l'air très, très beau. C'est chic. C'est chic. Tout c'est le monde chic. Qui porte des chiennes là, sont très chics dans la vie, hein, c'est ça. Oui. À l'hôpital. Ah non, mais des chiennes armées. Là. Ah oui, excusez-moi. C'est encore plus beau. Oui. Puis, ça inclut aussi un fusil de base. Ça inclut... Mon Dieu, qu'est-ce que ça inclut? Les en tout cas, la base. 100 balles. 100 balles. Mais 100 balles... OK, moi, 100, le nombre, 100 oui, 100 balles, comme... oui. Plusieurs. Mais moi, j'aurais été... correct avec 100 balles, étant donné que j'étais une type facile et que je trouvais jamais personne à tirer. Mais certaines personnes qui y vont peuvent tirer jusqu'à 400, 500, 600 balles. Donc, ça dépend comment t'es killer. Okay? Oui, si oui. t'es très, très killer, tu t'en tires 700. Si t'es très mou, ben t'en tires 100. Okay? Oui. Donc, quelqu'un qui va là-bas s'en tire pas en bas de à peu près 100$ quand il n'y a pas de rabais. Parce que, bon, quand tu rachètes des balles, c'est toujours un petit peu plus d'argent. Mmh. Et il y en a qui prennent des kits incroyables. Là. Bon, un kit avec un super gun, avec un cache-cou, des mains. Okay? Eux sont prêts pour la guerre, pour de vrai. Là. Et ça, ça coûte plus cher. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Avec un rabais, ça m'est revenu une journée de 40-50$. Donc, c'est pas si pire pour l'expérience. Pour une première fois, une première et dernière fois. Dans oui, mon c'est cas. Ça. Tu y retourneras pas. Hein? Non, j'y retournerai pas, non. Mais il y a beaucoup de monde qui ont adoré ça. Donc, ouais. Ça dépend du tempérament. Exact. Et donc ça, c'est le Bigfoot Paintball à Rawdon. C'est à 1h30 de Trois-Rivières. D'accord. Voilà. Tu vas avoir deux autres activités à nous présenter tantôt, le médium oui, et le... Oui, une activité médium et une activité pour les frileux. Ouais. Des filles, là. Ouais. Ça me rappelle la nouvelle émission du matin de Radio-Canada qui va s'appeler Medium Large. Hein. C'est, t'as vu ça? Ouais, c'est ordinaire, ça. C'est ordinaire, hein, pas comme, mal. Comme ça, d'émission. Medium Large. Hein. Medium Large. Va te prendre une sauce brune. Hein, ouais. Bon. On va retourner en musique avec tes choix. Évidemment, on bascule d'un côté à l'autre, tes choix et mes choix, dans les pièces qu'on a préférées cet été. Pas nécessairement des pièces qui ont débuté cet été, mais bien des pièces qu'on a écoutées et appréciées cet été. Qu'est-ce que tu nous suggères pour commencer, Marie-Pierre? Ma quatrième position, c'est une vieille chanson, OK? C'est une chanson de Beyrouth. Sur son premier album, Beyrouth, dont on a parlé dans les dernières semaines, étant donné qu'il est venu à Oshaga. Nouvel album aussi qui est sorti. Un nouvel album qui sort. Il n'est pas encore sorti. Qui s'appelle comment? Il sort bientôt son nouvel album, je crois. Il n'est pas sorti encore. Je vais aller faire un tour sur les internets. Sur les internets. Je vais vous donner les nouvelles. Mais la chanson, c'est de Goulag Orchestra, qui est sur son premier CD, si je ne me trompe pas. Et c'est une très bonne chanson. C'est, la majorité de la chanson est instrumentale, mais bon, il y a de quoi. Ça donne le goût de créer des chorégraphies. Est-ce que j'ai l'air de prendre vraiment mon temps pour essayer de trouver la pièce? Ça paraît-tu tant que ça? J'ai trouvé en fait pourquoi. C'est que l'album est disponible sur iTunes, mais il n'est pas disponible en CD ou en vinyle avant le 30 août. Voilà pourquoi. Le 30 août, j'aurai l'album dans mes mains. Je trouve absolument pas la pièce. J'irai l'acheter aussi le 30 août, mais il est bon le nouvel album en passant. Très bon. Ça va, Mathieu? Non. De Goulag Orchestra. Ouais. L'orchestre du Goulag, camarade. Je crois que je l'ai. Tiens, on va essayer de l'écouter voir. Allons-y. Voilà. Oui, c'est ça. Et que je suis bon, hein? T'es surpris, t'es subjugué, hein? Je suis subjugué, Mathieu. Elle est à terre en ce moment, les micros pognent vraiment de loin. C'est dans la vie de croisière d'assemblage requis.

if one day you just up and leave. And I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Everyone and them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs. Gotta never take work off. Maybe I got a plan. Run away fast as you can. Se demande, mais à quel moment vont-ils commencer à parler par-dessus la fin? Ouais. Comme c'est... des ingrats sur les radios commerciales. Oh! Fait 32 degrés à l'extérieur de nos studios. Oui! Centre-mitoyère. C'est toujours la vie de croisière d'assemblage requis. C'était notre bon ami Kanye West. Vous direz, mais Dieu. Les gens me parlent à moi. Ils disent Dieu. Nous ne sommes pas mercredi, journée culturelle rap ici à C'est Fou. Non. En effet, nous sommes bien jeudi, slash samedi, slash lundi, slash assemblagerequis.com en balado-diffusion. Ah! C'est de ma faute, ça. Ben, c'est de ta faute. Oui. Excuse-toi, donne-nous ta raison, ta philosophie derrière je ça. Je ne m'excuse pas. J'étais très, très réticente à écouter le nouvel album de Kanye West. Et là, je ne parle pas de l'album de Kanye West et Jay-Z qui est sorti dernièrement, mais l'autre d'avant. J'étais très, très, très, très fermée à cet album-là parce que je suis vraiment pas rap. Je suis vraiment pas... T'es pas rap. What's up? Non, OK. Et mon copain me l'a fait écouter. Et j'étais très réticente. Et à un moment donné, certaines chansons m'ont accroché. C'est pas mauvais du tout, là. Et même la plus, je sais pas, genre Dirty South, là, de l'album, c'est comme une de mes préférées. Oui. Mais là, je me suis dit, OK, je ferai pas jouer ça dans l'assemblage requis. Là. Je vais la garder pour moi, je vais en faire jouer une qui passe mieux. Tu nous as bien partagé ça. Je trouve que t'as bien choisi, malgré ouais. tout. C'était malgré écoutable. Tout. Mais la vidéo de cette chanson-là, c'est super beau. C'est des ballerines qui dansent et... Ouais. Ça m'a fait changer la vision que j'avais de Kanye West. Voilà. Voilà. Des barrines. Je suis pas capable de faire brop brop. C'est François-Olivier qui fait des brop brop. Moi, je suis pas capable. Pas capable. Il est-tu dans son bureau pour aller chercher? Bon. La voix que vous entendez là, celle qui nous accompagne, la voix masculine, là, pas féminine, là. Hein? Celle qui est là. C'est Simon Fitzbé. Hein? Comment? Oui. Hein? Oui. Hein? Pardon. C'est la chronique Le Scout des Internet. Scout des Internet. Scout des Internet. Brap. Ah, tu Donc, Simon qui nous parle des choses geeks de la vie et Marie-Pierre qui s'ouvre grand les paupières. Les problèmes de Par contact. Léger problème. C'est très léger. Ça, c'est mes yeux, OK? En dessous des verres de contact, ils font... ils cherchent à respirer. Oui. C'est nouveau? Oui. Ah, j'aime voilà. pas beaucoup ça. Ah, c'est triste. Ah, on est des adeptes des lunettes. Nous oui, ben on aime ça. Ça nous donne en plus un très beau... Un air geek. Un air geek. Léger. Tu t'assumes pas dans ton air geek de lunettes? Ah non, moi c'est d'un télo. Je suis pas geek. Ah, on va switcher le terme. Bon, je voulais pas t'insulter non plus. Un télo, c'est le geek classique. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Eh oui. Par quoi on commence, Simon, cette semaine? On commence par l'avenir, en fait, des livres, surtout des livres scolaires. Bon, c'est le Marie-Pierre. Site. Oui, parce que c'est intéressant. C'est le site Chegg.com. C-H-E-G-G, comme chez Egg. Egg comme œuf. Leur personnage, c'est un petit œuf. En fait, c'est qu'ils vont offrir plusieurs des textbooks, on dit en anglais, des livres de travail pour les écoles qui vont être disponibles en e-book et en HTML5. Donc, vous allez pouvoir les ouvrir directement du site Internet et sur un iPad, donc ouais. c'est encore mieux. Vous allez donc pouvoir y aller. Mais par contre, on parle de livres qui sont disponibles pour les étudiants entre autres, on dit Oxford University. Ah non, c'est pas ça. Pas tout, c'est tôt les presses de l'Université d'Oxford. Il va également avoir des presses McGraw-Hill, Macmillan et autres. Donc tous les livres qui sont édités par ces grosses compagnies-là, ces maisons d'édition-là vont être disponibles sur ce site-là. Donc vous allez pouvoir probablement pour un petit montant, il est pas malheureusement pas dit dans l'article de TechCrunch comment ça va coûter, mais vous allez pouvoir donc aller sur certains sur ce site-là pour aller lire certains de vos livres d'école. Chose que je trouve cool parce que moi j'aime mieux ça que j'adore les livres papier lorsque c'est un roman, lorsque c'est un magazine, mais quand c'est plus pour l'école, c'est plus pratique. On dirait que je trouverais ça comme plus divertissant de lire sur un iPad. On dirait que tu as l'impression de moins travailler qu'avec un livre. Ouais. Un peu. Tu vois, moi, quand je fais mes lectures pour mes trucs, j'ai beaucoup de notes à prendre. Ça va mieux là. Maintenant que j'ai deux écrans. Je mets le livre dans un écran et mes notes sur mon ordinateur portable et c'est vraiment génial. Maintenant, j'ai deux écrans. 3 pouces. Yeah. Oh oui. C'est gros. J'en veux une. Je sais pas, on dirait lire des PDF sur l'ordinateur. Je trouve ça tellement mal. Non, ben tu peux les annoter, tu peux prendre des notes dedans, tu peux surligner, tu peux... Non, je suis pas à l'aise. J'aime mieux... Papier, ouais, dans les mains. Toi, t'es en littérature, en plus, on était lourd, donc... C'est ça. T'as pas lunettes aujourd'hui, fait que t'as même pas l'air de mettre l'eau. Ouais, peu. Tasse-toi. Non, mais c'est chacun ses goûts, franchement, là-dessus, parce que je connais même des profs à l'université qui aiment mieux lire maintenant, qui numérisent tout ce qu'ils ont à la maison pour avoir sur ordinateur. Il y en a d'autres qui, c'est les livres, seulement les livres, ils veulent rien savoir d'avoir des articles sur un ordi. Moi, je trouve ça plus pratique quand ça prend moins de place aussi sur mon bureau. À la place d'avoir comme 15 livres empilés, ben, c'est juste 15 fichiers tout petits. C'est plus minimaliste. Ouais, tu sais, le minimalisme est à la mode en ce moment. Et c'est plus facile de laisser tomber ta lecture et de revenir parce que bien souvent, les programmes réouvrent. C'est-à-dire, mettons, si tu mets un Kindle, même sur iPad, je pense que tu l'as directement à la page où tu l'as laissé. Tu places ton signet virtuel et voilà. Simplement. La belle vie. C'est hyper plaisant. Maintenant, nouvelle Wii qui va sortir cet automne, avant Noël. Si vous voulez jouer à vos jeux de GameCube sur la Wii, préparez-vous à ne plus pouvoir si vous n'en achetez pas une là. Je reprends ce que je voulais dire. Si vous voulez jouer à des jeux de GameCube sur la Wii, garochez-vous dans un magasin pour acheter votre Wii maintenant parce que ça sera plus rétro-compatible d'ici le mois de décembre. C'est ça. Et là, les packs qui sont sortis il y a quelques mois avec Mario Kart, qui coûte vraiment pas cher, le modèle de la Wii va être discontinué pour être remplacé par un autre modèle de Wii. Et là, on parle pas de la future console nouvelle génération Wii U dont on a parlé il y a quelques semaines. C'est... On parle d'une refonte physique de la Wii originale. Et ils ont fait la même chose dans le temps pour entre autres la Nintendo et la Super Nintendo. Il y avait des modèles qui ont pas duré très longtemps en magasin parce que ça, c'est juste une dernière façon pour Nintendo de faire un dernier petit bout de cash. Là, exactement. Vu que le matériel qu'il va avoir dedans coûte moins cher, ils enlèvent la compatibilité GameCube, ils vendent ça pour, mettons, 100$ la console, ils font un dernier blast d'argent, puis après ça, ils l'enlèvent du marché, puis là, c'est la Wii U, nouveau modèle, nouvelle génération qui va embarquer. Ouais. Et la nouvelle Wii va être couchée. En fait, elle est présentée couchée, c'est ce qui est bizarre, parce qu'on a toujours... Moi, j'ai En fait, elle est debout là, chez nous. Elle est faite pour être debout. Ben oui, mais elle est plus belle couchée. C'est juste que moi, j'ai pas assez d'espace pour la coucher, ça. Et c'est que la nouvelle Wii U va être couchée par défaut. Donc, j'imagine que c'est comme un genre de transition entre les deux modèles. Et c'est plus pratique pour le CD. Et, pour mettre le CD. Ça allume. Ça allume. Ben, parlant justement de console, il va aussi avoir la PlayStation 3 qui va être descendue à 250$. Ben oui, tu parles d'un rabais, toi, 50$ de rabais. Hein? Ben, c'est quand même intéressant, malgré que les jeux coûtent encore comme 110$. C'est... c'est un peu plate, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? On a aussi, écoutez, on est des chefs de file en visionnement vidéo, nous, les Canadiens. Arrête-moi ça. Oui, on va écouter donc plus de vidéos en ligne que les autres. Netflix et ces services-là. YouTube aussi, okay. Oui. On perd beaucoup notre temps donc, sur Internet. On est des paresseux, on s'assume là-dedans. Oui, moi j'ai passé une bonne partie de mon samedi à écouter des vieilles pubs de Macintosh. Yeah, cool! Pour plaisir coupable. Ah, les vieilles pubs, ben, c'est vraiment les pubs des années 80. Oui. Là, c'est quand ils présentaient la nouvelle machine comme étant... C'était gros comme quoi, un Macintosh. C'était gros pour la maison. Gros comme un micro-ondes, comme un petit micro-ondes. Ouais. Et c'était un ordinateur portable, puisqu'on pouvait le mettre dans une genre de glacière. Okay. J'aime tous les ordinateurs à Apple, même celui qui ressemblait à un genre de chose de coffre de maquillage là, pour femme. Là. Coffre de maquillage pour femme. C'est le portable là, avec la poignée orange et bleue. Le PowerPoint, le PowerBook. PowerBook, qui était dans le fond dans la même mouvance que les iMac. Ouais, il n'y avait pas le iBook. C'était peut-être le iBook, oui. Il y a eu tellement de changements. Pour la même chose, en fait. Le PowerBook est devenu le MacBook Pro. Le iMac est devenu le iMac. Et après ça, il y a eu un autre iMac qui est sorti pour remplacer. Il y a eu le eMac pour les universités. Et les écoles, qui a été remplacé par le iMac parce que maintenant, c'est le même prix donc, pour le même truc. Donc voilà. Et d'ailleurs, on parlait d'Apple pendant ce temps-là. T'inquiète, là. Ouais, on écoute des vieilles pubs de Mac. Mais selon une vidéo que j'ai vue sur Internet, il y a eu une genre d'erreur faite sur le site de Apple hier ou avant-hier où on pouvait voir les premiers iPhone 5. Non. Ouais, c'était sur un site allemand et le lien était caché. En fait, le lien apparaissait pas, mais tu pouvais cliquer donc sur un lien qui était invisible sur la page iPhone et tu tombais sur le nouveau iPhone 5. Ça, c'était le petit vidéo qu'on pouvait regarder. Dont tu parles, c'était une vidéo qui montrait quelqu'un en train de cliquer dessus. Ouais, exactement. Parce que je veux pas te corriger, mais ça a été prouvé que c'était fake. Ben, ça avait pas mal l'air fake parce que le téléphone avait pas l'air pratique du tout. De toute façon, c'était gros. Une lame de rasoir, donc c'est pas très facile à tenir. Puis il y avait une demi-seconde pendant la vidéo où, à la place de voir l'adresse du site internet, tu voyais genre, tu sais, file 2 points, lecteur, tu sais, ton lecteur. Ah, ça, j'avais pas le temps de le voir, non, mais c'est. C'est un beau fake, très bien réussi. C'est un beau fake, c'est bien fait, mais ça paraissait fake. De toute façon, lorsqu'il clique dessus, de toute façon, ça apparaît pas tout de suite comme ça devait apparaître. Mais le gars a mis de l'effort là-dedans, donc il y a eu son 15 secondes de gloire sur Internet. Le monde a tellement du temps à perdre. Créer une fausse page web, OK? Une fausse page web sur ton ordinateur avec tous les graphiques et les affaires qui bougent pareil comme sur le vrai site d'Apple. Mais après ça, filmer un clip de toi en train de cliquer dessus. Après ça, envoyer ça sur YouTube. Ça prend des heures et des heures et des heures et des heures. Tout ça pour faire parler de toi sur TechCrunch et d'autres. Et après ça, TechCrunch va se corriger en disant c'était un fake. Ah, mais tu sais, en même temps, il y a des gars qui regardent des vidéos de Macintosh vieux de 20 ans sur Internet. Ouais. Parlant de Macintosh, premièrement, je savais même pas qu'il y avait des vidéos de Macintosh il y a 20 ans ou je sais pas trop quoi, des pubs. Mais il y avait est-ce que c'est moi où il y avait un film dans les années 90? C'est un petit gars qui tombait riche parce que il faisait accroire qu'il possédait Apple ou je sais pas trop quoi. Hein? Est-ce que je me trompe? Ça a l'air bon, ça. Ça me dit quelque chose. Il était super riche. Là. Il y avait une petite voiture de course, un parcours. C'est très, très vague comme souvenir, mais il me semble que c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Apple. Ça me dit quoi, moi? Parce que tu sais, quand t'as 8 ans, tu vois qu'il y a un truc qui s'appelle Apple, là, t'es comme, tu comprends pas. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est mon premier souvenir. Mais ça me dit quelque chose, mais je suis pas capable de faire le lien. On va avoir de la difficulté à trouver ça. Ouais, comment tu vas chercher ça sur Google, genre, petit gars qui se fait passer pour le créateur d'Apple? Oui. Film. Cherche donc, ouais. Ça. Ça a l'air bon. Richie Rich, un peu con. Oui, c'est ça. Allez, Richie. C'est, pas... c'est ça, pour le vrai? Film. Arrête. C'est ben, ça. Richie Rich n'est pas propriétaire d'Apple. Non, mais c'est quoi d'abord? Il y a ben, beaucoup, Richie beaucoup Rich, d'argent et il y a Apple riche. Dedans. Non, ben, Apple, t'es sûr? Parce que Richie Rich, en fait, c'est juste un garçon riche. Ouais. C'est comme ça manque de substance. Son père est propriétaire d'une grosse compagnie, puis lui, il a beaucoup d'argent, puis il veut se faire des amis, mais il n'y a pas d'amis parce qu'il est riche. Mais dedans, il y avait un ordinateur Apple. Bon. Okay, donc, on est passé de Richie Rich, était le président d'Apple, à il y avait un ordinateur Apple. Écoute, Apple. J'avais 8 ans, là. Ça fait un bon... C'est loin. Beaucoup trop de temps. Révèle pas ton âge en nombre. Non, mais là, de toute façon, c'est pas grave. Non, t'es pas comme ça, toi? Non. Bon, eh bien. Donc, Richie Rich. Ouais. Des vieux souvenirs. C'est le tel lointain, ça. Oui, ben c'était bon. C'est un bout. Les téléphones 3D vont être disponibles et ils vont émerger, en fait, d'ici 2015. Il manquait plus rien que ça, là. Hein? Il manquait de 3D. J'ai vu une pub, je n'aimerais pas le magasin. C'est un magasin qui vend les ordinateurs avec un ancien sœur de Love Story qui fait des pubs. Là, dans leur pub, en fait, le feuillet publicitaire qu'ils donnent à chaque porte, il y a un ordinateur 3D en vente, je pense, pour moins de 1 000 $, un ordinateur portable 3D. Donc, ça pourrait être intéressant, mais en même temps. Pendant, ouais, quelques heures, là. Ouais. Tant que tu te places pas, ça va faire comme les vieux portables à l'époque avec les écrans cristaux, je sais pas quoi, là, que tu mettais sur le côté, tu voyais plus rien, c'était noir, là, tu revenais, oups, t'avais la couleur, si tu bougeais un petit peu plus, là, c'était jaune et noir, et très intéressant. Ouais, belle époque. Tu vas voir des jeunes à l'école qui vont faire comme, bouger leur écran, toucher. Ça sera pas du tout dérangeant dans les cours. Non, en fait, non, vraiment pas. Ouais, c'est incroyable. Mais bref, on dit que les appareils 3D mobiles seront disponibles d'ici 2015. On dit que les tablettes devraient atteindre à peu près 18% des tablettes vendues d'ici 2014. Elles seront en 3D. Ouais. 30% des consoles portables vendues d'ici 2015 devraient être en affichage 3D également. Mais tu vois, ces chiffres-là sont bien, bien beaux, là. Mais les gens vont pas nécessairement les acheter parce que c'est des écrans 3D. Peut-être qu'ils vont l'acheter. Non, mais parce que ça donne qu'il va y avoir du 3D sur la plupart des portables éventuellement. Ça se peut. Hey, tu sais que Apple, on revient à Apple encore. Tout revient à Tout est dans ça. Mais quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont breveté une façon d'échanger les données entre un iPad et un iPhone où, justement, tu verrais les fichiers tomber en 3D sur l'iPad ou sur l'iPhone. Hein, verser, ce serait très, très cool. Ça, c'est une bonne affaire. Mais ça n'arrivera pas avant 2015, donc, quelque chose genre. Le prochain iPad pourrait être 3D, on ne sait jamais. Ça serait un gros échec, d'après moi. Mais bref, préparez-vous à avoir des téléphones 3D et moi, je vais rester avec mon petit Samsung. Téléphone 3D, tu sais. En tout cas, pour les jeux, peut-être, mais tu sais, genre, oh, hey, il est 3h15, genre. Ou tu parles à quelqu'un en vidéo au fond et là, tu peux y voir la face qui sort d'écran. C'est ça, mais c'est, ouais, j'espère que les caméras seront pas HD parce que là, à un moment donné, ça dépend des personnes, mais c'est important. Et oui. Et maintenant, c'est IBM qui s'approche d'ordinateurs capables d'apprendre de ses expériences. Et oui, donc l'ordinateur, en fait, va être composé avec des puces qui, à la place de fonctionner comme celle d'un ordinateur normal, c'est-à-dire avec des programmes et des choses déjà entrées dedans, eh bien, c'est un ordinateur qui va être cognitif, qui va apprendre selon ce qu'on lui demande de faire et ce qu'il nous regarde faire. Il va apprendre de nous. Et un jour, ils vont devenir maîtres du monde et nous serons leurs esclaves. Et oui, ça va commencer avec ça. IBM, c'est Big Brother, c'est les méchants, donc voilà. et on dit que les puces prototypes ont déjà été fabriquées, en fait, et sont en cours de test, donc ça sera pas disponible demain matin. En fait, on ne dit pas nécessairement combien de temps ça va prendre, mais bon, on sait que les ordinateurs se renouvellent à peu près à tous les 18 mois pour dans le monde du PC. Maintenant, c'est rendu aux années dans le monde des Mac. Et donc, ça pourrait arriver éventuellement, mais on dit que les puces, entre autres, dégagent beaucoup de chaleur, donc ça va prendre du temps. Mais on parlait, j'ai déjà parlé, il me semble, des ordinateurs qui s'auto-refroidissent, dans le fond, qui vont fonctionner à froid. Ah. Donc, peut-être que ces puces-là pourraient être utilisées là-dedans. Mm-hmm. On ne sait jamais. Maintenant, le site du Devoir été piraté cette semaine. Est-ce que vous avez vu la... Oui, j'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler de ça, Mathieu? Moi, non. Non? Complètement déconnecté de tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait que je suive les nouvelles québécoises plus que les nouvelles américaines. Ça serait pas pire idée. Ben, tu sais, déjà, juste suivre une nouvelle sur Twitter, ça va déjà bien. Le journal et t'as tes nouvelles. Tu devrais voir la pile de RSS que j'ai pas lu depuis une semaine en ce moment. Sur mon lecteur. Mais les RSS, c'est tellement dépassé. C'est tellement dépassé. Mais bref, le Devoir, en fait, a été piraté cette semaine. Pour ceux qui étaient pas au courant, comme Mathieu, Jacques Charest était annoncé mort. Ah, attends un peu, je n'ai entendu parler, mais je savais pas que c'était le Devoir. Ben oui, mais c'était le Devoir. Jean Charest, vers 1h30 de la nuit, de lundi à mardi, en fait, on disait que Jean Charest avait été admis à l'hôpital, c'est-à-dire l'hôpital de l'Université de Montréal, souffrant de problèmes cardiaques, et sa mort a été déclarée donc, lorsqu'il est arrivé. Ouais. Et le site a été... c'est-à-dire piraté pendant à peu près 2h30 jusqu'à 4h. En fait, les gens du Devoir n'ont pas pu rentrer sur le site pour aller corriger le tout et sans même retarder la publication du journal. Du numéro en cours. Numéro en cours, oui, pour pouvoir se rattraper là-dessus. Ouais. On s'est excusé, on a fait 1000 excuses. J'en aurais trouvé ça très drôle. Mais j'ai lu que quand il l'a appris, bon, il a appris qu'il était mort. Ouais. Il est allé le voir dans le miroir pour vérifier. J'ai lu ça à quelque part. Ça me surprend même pas, Jean Charest. Parce que son visage est mort depuis une couple d'années. Non, mais là, il dit aussi qu'il est allé voir sa femme pour lui apprendre la nouvelle. Elle a dormi, il l'a réveillé, il dit « Je suis mort ». Ça vient faire peur. Mais on se demande si ça serait pas le même groupe qui a piraté le site du Parti conservateur il y a de cela quelques mois, je crois, où on avait fait croire que Stephen Harper était à l'hôpital ou quoi de même. Là, sur le site du Parti conservateur, je pense au mois de mai. Et on dit que ça va être de plus en plus chose courante, en fait. Il y avait eu aussi la mort de Barack Obama qui avait été annoncée sur le Twitter de Fox News. Donc, on s'attaque maintenant au site de nouvelles pour un peu s'accaparer l'information sur l'Internet. Et c'est déjà plus crédible que quand on le fait le 1er avril. Il y a plus de chances que les gens y croient quand tu fais une date n'importe quand. Exactement. Google qui m'ont eu le 1er avril dernier. Ouais. On ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, une nouvelle mise à jour pour Firefox. Oui, 6. Les gens qui utilisent Firefox. Ça fait pas si longtemps que ça que le 5 est disponible. Non, mais ils sont rendus sur un calendrier beaucoup plus court. Là. La version 7 et 8 là, sont vraiment très, très bientôt. Là. Puis même que Firefox n'affichera plus, ou en tout cas, je sais pas si c'est confirmé, mais c'est prévu qu'ils n'afficheront plus le numéro de la version dans la boîte à propos parce qu'ils trouvent que c'est plus important pour les gens de savoir quelle version ils ont. Et c'est ça, ils veulent augmenter les versions plus rapidement, avoir des changements majeurs plus souvent, ce genre de trucs. Ça leur permettrait d'être plus compétitif avec les plus utilisés et les moins utilisés. En fait, Firefox sont dans les plus utilisés puisque c'est le deuxième navigateur avec 28% des parts de marché. C'est Internet Explorer, toujours le super Explorer Internet qui va être à 42% des parts de marché encore. Chrome, Google sont les troisièmes navigateurs avec 22% de la part de marché. Safari n'est pas là-dedans. Non, Safari n'est pas dans le top du tout. Mais plus intéressant maintenant avec Lion, maintenant qu'on peut changer de gauche à droite. Mais bref, oui, c'est d'après le site Star Counter, en fait, ces informations-là. Les vedettes du On dit qu'on va surtout... Il n'y aura pas grand-chose à rajouter sur Firefox 6. Ça va être seulement quelques bugs qui vont être réglés. Oui, ça, c'est toujours bien de passer à la plus récente version pour empêcher des choses de sécurité, des failles de sécurité, si on veut. Exact. Et non, c'est ça. Pour l'instant, le visuel reste pas mal la même chose que la version précédente. Ce serait intéressant, par contre, qu'il y ait qu'il soit Lion Ready, si on veut, pour les Maceurs, là, qu'on puisse pouvoir faire la même chose que dans Safari. Mais parce qu'il n'y a pas encore l'option de faire disparaître la barre de déroulement. Oui, de changer de gauche à droite avec le pavé numérique. Et le plein écran n'est pas exactement pareil aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je n'utilise pas vraiment Firefox, donc ça me dérange pas. Moi, c'est mon navigateur de préférence. Il faudrait que j'y retourne, parce que lorsque j'étais sous Linux, c'était un peu par défaut. C'était le seul navigateur que tu pouvais avoir. Et peut-être y retourner éventuellement. Opera me tente fou. Opera, j'ai essayé tellement de fois, puis à chaque fois, j'ai comme fait barre pas pour moi. Mais ce qui est cool avec Opera, c'est que tu peux transférer tes vidéos flash en HTML5 directement à partir du navigateur, ce qui est quand même assez cool pour les gens qui ont des... Ben, en fait, sur iPad, je crois pas qu'on peut l'avoir. Est-ce qu'on peut l'avoir sur iPad? Excuse-moi. Sur iPad, c'est, Opera? Opera, oui, parce que j'ai sur mon iPhone. C'est la seule place où j'utilise Opera sur iPhone. Alors, tu vois, tu peux transférer ton flash. Ouais. Ils compressent les pages sur Opera sur les iPhones et iPads. Ah, donc, tu prends moins de bande passante. C'est une des seules raisons pour lesquelles j'utilise ça. Parce que sinon, je trouve qu'Opera, en général, sans vouloir les offusquer, là, je trouve que l'interface est très, très clunky. Là, c'est genre boboche. Et, ça va s'en venir éventuellement. C'est quand même assez nouveau. Mais c'est le chercheur, le furteur sur la Wii, c'est Opera. Oui, exactement. L'interface est pas si pire sur ça quand même. Ouais, j'espère que sur la Wii U, on va avoir plus de possibilités d'ailleurs. Possibilité d'avoir Flash, ça serait cool sur la Wii. Maintenant, il y a 20 000 Sud-Coréens qui se plaignent d'Apple. C'est les détenteurs d'iPhone, en fait, qui ont déposé une plainte. Combien? 20 000 Sud-Coréens. Okay. C'est incroyable. Ils ont déposé une plainte collective, en fait, mercredi contre Apple, c'est-à-dire pour violation présumée de la vie privée en raison des capacités des téléphones à enregistrer les mouvements de l'utilisateur, c'est-à-dire la géolocalisation. On peut retrouver tout le monde avec un iPhone. GPS. Oui, mais c'est une bonne façon aussi lorsqu'on perd son téléphone de le retrouver, malgré qu'il y a tellement d'iPhones maintenant que c'est assez difficile de retrouver son téléphone dans la mare. Ouais, j'avoue, hein, vu de même. Ouais. Et donc, c'est pas mal ça. J'ai juste, en finissant, je vous propose, en fait, pour les fans de Mac et même les débuts de Microsoft, le film Pirates of Silicon Valley que j'ai écouté en fin de semaine. Mm-hmm. C'est très intéressant. C'est avec Noah Wyle, entre autres. Le gars de Salle d'Urgence. Ouais, qui joue dans Salle d'Urgence, qui joue Steve Jobs. Très intéressant. Et c'est des sosies, sauf pour le gars qui fait Steve Wozniak. Et ça vaut la peine, en fait. On voit le développement, en fait, du Apple 1 comparativement à Microsoft qui travaillait avec les Altair à l'époque. C'était très intéressant. Des caricatures assez cool, entre autres de Steve Ballmer, qui est le bras droit de Bill Gates. Et aussi, si vous voulez voir de quoi de très, très drôle, la pub de Internet Explorer avec Bill Gates et Steve Ballmer qui a paru, je pense, en 95 ou de quoi de même. où on fait jouer la tune, c'est da da da. Lève-toi les deux en voiture où il n'y a rien. En tout cas, vous irez voir la vidéo. Okay. Alors, je t'enverrai le lien pour que tu le mettes sur le site d'Assemblage Rocky. Excellente idée, Simon. La peine. Merci. Et le film Pirates of Silicon Valley et I Was aussi, la biographie de Steve Wozniak. Très, très bon. Oui, et le prochain livre qui sort, là, c'est la biographie de Steve Jobs avec sa grosse face et sa barbe en couverture. Ça sort bientôt. C'est ça, lui. Steve Jobs, c'était le génie économique et Steve Wozniak, c'est le génie ingénieur. Oh, ben Colin, hein? Il portait une salopette orange? Non, il portait pas de salopette orange. En fait, il n'a même pas fini ses études lorsqu'il a bâti son premier ordinateur. Ah. Mais ce gars-là a une compréhension de l'électronique qui dépasse tout ce qui est moi, en fait. Tout ce qui est toi? Tout ce qui est moi. C'est que dans son livre, il explique, mettons, le code binaire, il explique comment tu peux fabriquer une radio cristal, les transistors et tout ça, comment lui, il voit ça, et je comprends rien du tout. C'est complexe. Pour lui, c'est super simple. Il a créé une machine de Pong pour sa télé chez eux. Le avant jeu vidéo même avec que, les palettes. Ouais, avant même que Atari en fasse... c'est Atari? Enfin, avant même que la compagnie en fasse une pour la maison, son ordinateur, ça a été le premier à utiliser un écran et un clavier. Ça aussi, il n'y avait personne qui avait pensé avant lui. Donc, c'est un visionnaire. Ça vaut la peine. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Très intéressant. Et très, très gentil. Il dit, en fait, le sous-titre de son livre, c'est « Comment j'ai fondé Apple comment j'ai fabriqué le premier ordinateur personnel, comment j'ai fondé Apple et j'ai eu du plaisir en faisant ça. » C'est un bon vivant. Ouais. Simon, on te retrouve la semaine prochaine avec une autre chronique, le Squad des Internet. T'as pas d'émission ce soir. Non, malheureusement. Le genre de bleu prend surchargé. Congé. Ben oui. Et je suis en congé, mais de retour la semaine prochaine. Là, avec tout est dans tout, donc je serai là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'émission de toutes tes émissions que tu fais. Il n'y en a pas. Non, parce qu'on est en vacances avec Rock Classic aussi. Et Album Classique, ben, comme les genres de petits frères de Rock Classic, ben, on prend grand congé aussi. Ouais. D'accord. Mais j'ai rappelé les heures, donc un genre de bleu sera la semaine prochaine, 21h le jeudi. Ensuite, Album Classique les vendredis à 10h. Ta chronique dans Rock Classique à 11h le vendredi. Et puis, les informations sont sur cefou.ca. Mm-hmm. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye, on va te téléporter. Boop, boop, boop, boop. Ouais, ce bouton-là, il fait rien. Hein? Ouais. Non, je pense que c'était Scotty. TB, je pense que c'était comme téléporteur, mais qui avait comme fait une faute. OK. Bye. tout à l'heure, à la vie de croisière d'Assemblage Rocky, on aura une chronique, c'est un fait qui s'en vient tout à l'heure. Et aussi d'autres suggestions de sorties de la part de Marie-Pierre. Oui, tantôt on avait une sortie killer avec le paintball. Il va y avoir une sortie médium et une sortie frileuse. Ouais. Frileuse, et surtout pour les frileux. Ouais. Ouais. Dans un congélateur quelque chose. Non, c'est frileux, tu vas faire le contraire. Ah. Je vais aller avec mes choix musicaux. On continue notre petit palmarès. Dans mon cas, ils sont pas en ordre. C'est juste au hasard comme ça. On va entendre Bravo Funkin tantôt avec Boîte à savon. Mais on débute avec... En fait, dans quel ordre est-ce que je les ai mis? On verra. Fut de poubelle de Méta Griot. Ça va commencer. C'est ça, c'est ça. Méta Griot en premier. Bravo Funkin en deuxième. Sur C'est fou 89.1 FM. La bonne musique, la bonne musique. Qu'est-ce que tu fais ce bouton-là? Je vais sûrement faire exploser quelque chose à un moment donné. Hein? C'est peut-être comme un barbecue, attention. Ah! Feu de poubelle de Metagruo sur leur maxi Feu de poubelle / Jupiter, hein, parce que c'est le nom des deux pièces qu'il y a sur le maxi. Hein. On écoutera Bravo Funkin' tantôt, mais pour l'instant, on termine cette deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. On dit depuis tellement longtemps, non seulement c'est un fait, ça en vient, deuxième partie, mais en plus, on va avoir notre amie Justine Renaud. Qui va nous parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'une de mes artistes préférées, que je vous réserve le nom pour plus tard, ainsi que d'un vidéoclip qu'elle a fait avec un acteur que vous connaissez peut-être, avec un nom vraiment bizarre, grec, qui a joué dans le film The Hangover. Ok, on garde le suspense pour tantôt. Exactement! Donc, Justine Renaud, c'est un fait, et vous, et nous, et toute la panoplie d'émotions qu'on va vivre ensemble pour la deuxième moitié d'émission. Restez là! Bonjour, c'est la troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Avant la pause, on a commencé à manger des cerises que Justine nous a amenées et puis elle nous a mis au défi de faire des nœuds dans nos queues de cerises. Évidemment, elle s'est corrigée en disant cerises, après avoir dit faire des nœuds dans une queue. Donc, Simon a réussi. Ouais. Un point. J'ai mal à la langue, par contre. Tu me demandais si tu avais le droit d'utiliser tes dents. Ouais. Ben, selon la ligue de faisage de queue dans une queue de cerise, non, faisage de nœuds dans une queue de cerise, on a le droit. Good. Bon, est-ce que tu as réussi, toi? Ben là, tout à l'heure, j'ai un nœud, mais il faut que je le tête. Ah, ouais. Tighter un nœud, j'aurais besoin d'un scout, quelque chose. Là. C'est ça. Faut que tu tires avec tes dents, ta langue. Ta langue, puis là, tu gardes un bout de dents, tes dents. Parlons dans le micro. Bon. Tu vois, je vous l'avais dit qu'on n'a pas besoin de demander des malaises ici. Hein. Parce que la semaine passée, on avait Mélissa Beaupré, que tout le monde connaît du journal Zone Campus. La Jeannette des internets. La Jeannette des internets. Ah, tout à fait, c'est comme ça que t'appelles la femme de... Elle doit faire ça, des nœuds, hein? Je sais pas. Scout, les Jeannettes. Oh! Toutes dans la même famille. Mm-hmm. Ah, ben oui. Ben oui. La semaine passée, on faisait des malaises. C'est parce qu'une fois de temps en temps, ça arrive à la radio. Nous, on aime ça créer des malaises parce que c'est un passe-temps que j'ai. Marie-Pierre, j'en profitais pendant que t'étais pas là parce que je savais que t'aimais pas les malaises. T'sais. Mais là, maintenant que t'es là, je vais pouvoir en faire encore plus. Alors, Mélissa a demandé sur Facebook, peux-tu faire un malaise? Mais moi, j'étais comme, mais attends un peu, c'est comme une radio commerciale. T'as pas besoin de leur demander du Lady Gaga, ils vont t'en faire jouer en deux minutes pareil. T'sais. Genre, fait que t'as pas besoin de demander de malaise parce que moi, il y en a un pareil. Regarde ça, gars. Crie. Tu brises le malaise, hein? Mais non, les criquets, ils accompagnent le malaise. Ils accompagnent les goélands, dans notre fond. Il faudrait un bruit de criquet. Ben ouais, on n'a jamais pensé à ça. On n'a pas de budget pour une machine de son, tu sais. Ils ont des machines de son, des fois. Tu sais, tu fais comme, oh, applaudissements, oh, coup de fusil, tu sais. Bruit de pète. Coup de fusil. Bruit de pète. T'es mélangé ensemble, ça fait un très beau mix. Hein? Ouais. On se demande dans quelles circonstances on insérerait ces bruits. Hein? On trouvait sûrement une façon. Hein? Une fois que t'as une machine à son, là, j'imagine que tu t'en sers beaucoup trop souvent. Mm-hmm. Ouais. Comme une bébelle. C'est ça. Tantôt, on avait commencé mon bloc. Oui, revenons. Sortons du malaise. Tu sais, à un moment donné, tu sors de Je m'excuse. J'avais dit que je ferais jouer du Bravo Funkin', la pièce Boîte à savon. Excellente pièce sur leur maxi Cœur Rubé, qu'on écoute ça à l'instant. Et puis après ça, on parle avec Justine. Yes, Mr. and Miss. Miss, pas Miss. Miss, pas mariée. Pas encore mariée. C'est un nœud d'une queue, J'ai pas essayé. Tic-tac, tic-tac, tic, le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Auras-tu terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Déjà, dans le cas où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les plus lumières. Est-ce que c'est vraiment un sujet que tu veux aborder, ça? Ou... Oui, bien sûr. D'accord. De quel sujet est-ce qu'on parlait comme ça? On parlait de dermatologie. À ne pas confondre avec ornithologie. La dermatologie, qui est la science de la peau et du derme. Oui. Et j'ai eu un rendez-vous avec mon dermatologue annuel, est-il? Moi, à chaque fois que à chaque année, là, je vais voir mon dermatologue. Habituellement annuel, c'est à peu près ça, une fois par année. Ouais. Non, je sais, mais dans le sens que c'est pas tout le monde là, qui va au dermatologue non, mais à chaque semaine. C'est ça que je m'en allais dire, il me semble. La plupart des gens vont jamais. Pourquoi? Donc, pour ceux qui ne me voient pas, qui sont dans leur auto, dans leur bureau, on les salue, bonjour. Oui. Je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je suis bien pâle et... J'ai par pouce carré, là, je dois avoir au moins 3 grains de beauté par pouce carré. OK. Tu vois, moi, je ne l'avais pas remarqué encore, mais ouais, ils sont ailleurs que sur tes parties apparentes. Oui, mes parties apparentes, ils ont des grains de beauté, mais pas mal moins. Ouais. Disons, c'est ça. Fait que mon dos, c'est un champ de mine de grains de beauté. D'accord. Fait que, en fait, quand j'étais petite, là, j'avais une petite anecdote à vous conter par rapport à ça. J'avais un grain de beauté qui virait mauve. Là, j'étais voir le dermatologue. C'était pas celui que j'ai aujourd'hui. J'étais voir le dermatologue, puis... Il me l'a checké. Il a dit qu'on allait avoir un autre rendez-vous. Puis finalement, mes globules blancs, ils ont mangé mon grain de beauté. Fait que mon grain de beauté, il est disparu. Okay. Ça a un nom scientifique, cette affaire-là, que mon dermatologue cette semaine m'a dit, mais que j'ai complètement oublié. D'ailleurs, on va saluer le docteur Delille, mon dermatologue, qui cette semaine m'a rencontré. La dernière fois que j'ai été le voir l'année passée, il m'avait comme coupé un grain de beauté à coups de ciseaux, là, littéralement, là, parce que lui, il était comme trop protubérant. C'était un grain de beauté là, trois-dimensionnel. Puis là, je fais checker dans le fond un gros grain de beauté que j'ai dans le dos. Il est en plein milieu de mon dos. Puis l'année passée, il était à 9 mm par 11 mm. Là, cette année, c'est quand même grand. Ouais, c'est quand même c'est grand. C'est un gros grain de beauté. Ouais, je peux faire bien des affaires avec. je peux cuire un œuf dessus l'été, des affaires de même. C'est difficile dans ton dos, par contre, non? Oui, c'est en plein milieu de mon dos. Là, c'est gigantesque. Tu as besoin d'aide pour faire des affaires avec le dos. J'ai besoin d'aide. Ouais. J'ai besoin d'aide. Donc, pour ça, je vais voir le dermatologue. Non. Puis cette année, il m'a dit que là, il avait grandi, non, le grand garçon. Mm-hmm. Il est rendu à 11 mm par 15 mm. Hey! Fait, il a dit, ah, as-tu le cancer? Fait que là, il m'a encore, il me pique avec sa grosse seringue dégueulasse là, qui fait mal. Puis ça me gèle. Puis après ça, il m'a coupé avec des ciseaux encore. Là, il va faire une biopsie là-dessus. Puis je vais vous dire prochainement, là, si j'ai le cancer. Ben, on espère que non. Ah non, hein, c'est... On va suivre les aventures de tes grains de beauté comme ça en direct à la radio. On va vous rappeler que dans Grey's Anatomy, Isabel Stevens, la belle docteur blonde. Pas du monde qui meurt, là, par exemple. Non, elle meurt pas. Mais elle aussi, c'est à cause de son grain de beauté que finalement, elle vire folle dans la tête parce que ça lui fait une métastase mic dans le cerveau. Puis là, le cancer du cerveau à cause de son grain de beauté. Ah, ouais. Je souhaite juste pas d'être folle à cause de ça. Ben, tu saurais pas parce que je veux que ça soit intrinsèque. Ouais. Tout le monde ne savait pas nécessairement s'ils sont fous eux-mêmes, des fois. Elle voyait son ancien chum là, qu'elle a tué avec son cœur. Spoiler alert, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Elle révèle des punches, là. Ma blonde, t'es en train d'écouter ça, la dernière. Moi, j'ai jamais écouté. Je trouve juste ça bizarre, présentement. C'est bon. Oui, mais de la manière que vous en parlez. Grace, t'as jamais vu ça? Non. Oh mon Dieu. Je m'excuse. Grace? Jamais. T'as passé avec Clémentine. Bon. Ouais, bref, on y va. C'est Louis-José Hood. Les Clémentines. Les Clémentines, c'était François Pérus. Tu connais pas tes classiques? Non! T'écoutes pas Grey's Anatomy? Non. Mais tu lis du George Orwell. Il y a au moins ça. Tu te rattrapes. Un sur trois. Quand même un pas sur trois. En tout cas, on ira voir en direct par téléphone ton grain de beauté dans un reportage futur à l'émission. Exactement. C'est bien. On est dans son genre de segment, et là, son segment n'a pas encore d'intro, elle s'est dissociée de la chronique de Stéphanie Gagné. Je suis dissociée de toi. C'est ça, parce que Stéphanie Gagné nous présentait son plat favori, toi, tu l'accompagnais avec ta poutine de Justine. Ouais, la poutine de Justine disloquée de tout être. Et maintenant que t'es tout seul, ben, t'as pas de musique d'intro pour accompagner ça, fait que... Je peux en faire une. Il va falloir que t'en fasses une toi-même. Attention, 3, 2, 1, go. Poutine. Mangez la poutine. Aïe! Au début, j'attendais le tin, il y avait juste des pou-pou-pou-pou, mais le tin s'en vient, puis à un moment donné, c'est comme wow, deuxième dose, puis c'est comme exactement. Un rush d'adrénaline. Pas tu fais ça quand t'es sous aucun antibiotique. Non, ou encore que tu t'es fait piquer pour te faire enlever un grain de beauté, là, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Hey, je peux vous montrer d'ailleurs mon plastique. Oui, ben vas-y. À la radio, hein? Moi, je vois rien de la radio. Un plastron qui arrive. J'ai vu. Il est gros comme ça. Ok, si je le plastron, tu vois rien. Mais non, ouais. Ah. Ben, je sais pas, moi. T'es un petit peu dégueu, là. T'entends des sujets vraiment répugnants. Tu parles d'affaires, faut bien que j'y voie, je suis curieux, moi. Voyons. Après la pause. OK. Donc, de quoi tu nous parles dans ta chronique, la poutine de Justine? Alors, cette semaine, j'étais bien dans un. J'ai repogné mon trip de Fiona Apple, pour ceux qui la connaissent. C'est la jeune madame anorexique rousse. Qui a gagné. Dans le temps? Dans le temps, non? Brune. Brune parle peut-être rousse. Je sais pas, j'ai pas connu de dans le temps. Moi, je connais tous mes artistes en retard. Moi, je suis 8 heures dans la vie. Je suis tout en retard de tout. Et je vous passe, dans le fond, du pré-marché de tout. C'est ça, la poutine. OK, c'est comme ça aurait pu être une petite, un petit genre de régurgitation un peu. Là, genre, oui. Comme dans la bouche d'un oiseau. Tu sais, comme un oiseau. Ça, c'est pire que le dermatologue. Comme les vaches aussi. Hein. Oui, mais c'était pas pour être dégueulasse. Les oiseaux, c'est pas dégueulasse. Les oiseaux, tu regardes ça, les oiseaux, c'est beau. Non, c'est ça dégueulasse. Se bouge bien en bouche. Ça roule dans la bouche. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fiona Apple qui a sorti seulement 3 albums en carrière. Là, que j'ai bien hâte à son prochain là, parce que depuis Extraordinary Machine qui est sorti en 2005, ça fait un méchant bout, on va vous dire. Et d'ailleurs, je vais vous parler du vidéoclip que j'aime bien de sa chanson sur ce même album de Not About Love, sa chanson qui a été single également. Puis, dans le clip, là, allez voir le clip, sérieusement, c'est extrêmement drôle parce que tout au long, dans le fond, elle parle à quelqu'un. Mais dans le clip, la chose, c'est que les rôles sont inversés et la personne qui joue à ses côtés dans le clip, c'est Zach Galifianakis qui a joué dedans. Ah. Dedans The Hangover! Ben oui, dans plein de films. Il était, oui, plein de films, mais c'est lui le plus récent, là, le film qui l'a comme plus fait connaître auprès des jeunes Taouins. Le très gros barbu, là. Oui, très gros barbu. Lui est roux. Il est roux. Il n'a pas l'air roux. Il est roux soleil. Roux blanc. Il est roux blanc. Ouais, ouais, lui. Il est brou, si on veut. Il est brou. C'est ça. Exactement. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir si vous voulez un good laugh, comme on dur dit. Dur à traduire ça à ta minute que j'y pense, ouais. Puis, justement, on écoute la chanson Not About Love d'une de mes artistes préférées, Fiona Apple. À la vie de croisière d'assemblage requis, c'est la poutine de Justine. Justine's poutine. Ça se dit mieux en anglais, je trouve. Justine's poutine? Ben oui. Ça sonne comme un artiste britannique qui vient exploiter notre poutine québécoise lors d'une tournée montréalaise. Ouais. Ton grain de beauté commence à te faire, faut faire effet dans... Oh non. Already are drawing deep breaths past my door. And last night's phrases sick with lack of basis are still writhing on my floor. And it doesn't seem fair your wicked words are working, holding me down. It doesn't seem right to take information, given at close range, for the gag and the bind and the ammunition. Conversation, once colored by esteem, became dialogue as a diagram of a play for blood. Took a vacation, my palate got clean. Now I can taste your agenda while you're spitting your cut. And it doesn't make sense. I should fall for the kingcraft of a meritless crown. It doesn't seem right. Take information, given at close range, for the gag and the bind and the ammunition. Wrong. It's not about love, 'cause I am not in love. In fact, I can't stop for. Not about love. I am not in love. In fact, I can't stop falling off. I miss that stupid posture, I have to stare at. That's what he said when I was sitting up straight. Changed the name of the game because he lost it. He knew he was wrong, but he knew it too late. But I'm not being fair because I chose to listen to that filthy mouth. But I'd like to choose right. Take all the things that I said that he stole, put him in a sack, swing him over my shoulder, turn on my heels, step out of his sight, try to live in a lovely life. This is not about love. Et voilà, c'était Fiona Apple avec Not About Love, starring dedans son clip Zach Galifianakis. Qu'est-ce qu'on peut voir dedans The Hangover? Dedans. C'est comme. Dedans. Ça me rappelle le personnage de le studio avec Bruno Blanchet qui faisait le lavage. On va faire le lavage dans la laveuse. Non, je suis pas j'aime tellement ça, cette émission-là. Aussi, studio, c'était mon émission préférée. J'en viens pas qu'il passe avec les reprises. Avec Coucou et Coucou. Coucou. Ah, c'était. Le géant du château. Bon. Donc, vous regardez le clip sur votre ordinateur de votre côté pendant que moi, je suis seul et je n'ai rien vu de cela, mais je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com. Ouais. Et voilà. Bon. C'est dit. Mm-hmm. Merci pour ta... C'est-tu tout pour ta poutine? Ben, je pourrais en mettre 10 000 chansons puis on a Apple, mais elle a juste sorti 3 CD puis on pense qu'on n'a pas juste ça à faire. Non. Et toi, à ce qui paraît, j'ai entendu dire les rumeurs courent que tu es supposé être au travail en ce moment. Hein? Tu te dirais pas. Peut-être que ma supérieure m'écoute. Je crois pas. Peut-être que ma boss, Maria, nous écoute. Maria, Maria, Maria. Non? Ouais, ben d'ailleurs, en fait, l'autre jour, on jouait à quoi? On jouait au Nintendo? Non, ouais, oui. Ah oui, excusez-moi, je suis un peu... Ben, c'est une Nintendo, tu sais, c'est la compagnie Nintendo, la console Wii, oui. Simon, des chroniques de techno, serait pas fier de moi. Voilà, non, c'est ça, puis c'était « It's Mario ». Puis là, je m'amusais à dire « It's Maria ». Ah, trop. Fait que c'est ça. Mais si jamais je recroise... Ben, en fait, j'ai rendez-vous avec mardi, avec ma directrice de recherche, fait que je vais lui dire « It's Mario ». On va voir comment elle va réagir. Ouais. Donc, tu peux pas rester avec nous pour le reste de l'émission. Je pourrais pas rester avec vous. J'aimerais vraiment ça. Je suis désolée. C'était ta petite pause. Je suis... Ben, en fait, je n'étais pas là de l'avant-midi non plus. Je suis chez la coiffeuse. Hey! Belle journée, ça! Vous ne voyez pas mes cheveux en ce moment, mais ils sont écœurants. Fait que si vous voulez, là, une bonne coiffeuse, Janie Boissonneau, OK? Call us, we'll call you. Don't call us, we'll call me. Voilà. Ça a bien de sens. tes cheveux sont comme toujours super, super beaux, là. Mais la différence avec la semaine passée, mettons, là, genre... Ben là, la semaine passée, j'étais à Chachaine. Puis cette semaine, je suis chlonde. Ah oui, t'es blonde au lieu de Chachaine, là. C'est... Ouais. Oui. Ben, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Ça paraît un peu. Du côté de la tête que je vois, oui. Mais je suis un gars, tu sais, il faut me pardonner là-dessus. Je vois pas tant la différence de teinte. Bon. Ben, mes cheveux étaient rendus longs, là. J'ai même mis sur Facebook, là, si vous voulez aller voir là, une photo superposée de moi puis Justin Bieber, là, qui fait un petit cœur. On se ressemble pas mal. Ouais. Mais là, plus maintenant, on se ressemble plus, là. C'est fini, là. Hein? C'est fini. Notre histoire de cœur est finie. Ouais. Donc, Justine Renaud, si vous voulez la chercher, c'est très simple. Elle se décrit tantôt elle-même. Là. Elle se donnait l'impression d'être pas mal plus affreuse que dans la vraie vie, en fait. Genre, t'avais l'air de te décrire comme si t'étais vraiment pas attirante. Non, j'ai pas dit que j'étais affreuse. Et plein de graines de beauté, plein de poils partout. Hey, là, des graines de beauté, c'est de la beauté, ça. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Mais non, très jolie jeune fille. Donc, Justine Renaud sur Facebook et Pokéla. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. C'est très spécial. Les graines de beauté, on s'en rappelle. Oui. Oui. Toi aussi, il va falloir t'y aller. Non. Tu fais peur, là. Tu fais peur. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Il nous en reste deux l'après-midi. Fait. Oui, ben je vais venir, probablement. Oui. On verra. Après ça, on discutera si tu reviens les jeudis après-midi ou le matin. Ça va être à ton choix. Le matin, j'ai des cours. Donc, le jeudi, parfait. Avec Maria. Maria. Ouais, c'était rempli d'à-côté et de parenthèses et de sous-branches de différentes choses, cette chronique-là. Donc, Justine, bye-bye. Bye-bye. Marie-Pierre. Oui. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, n'est-ce pas? Oui. Toujours en cette belle journée sur notre bateau, le SS Requis. Oui. Que dirais-tu qu'on prenne une petite pause, nous aussi, mais pour aller entendre de la publicité et magasiner des choses, j'imagine, se créer des besoins et aller dépenser de l'argent dans des commerces qui nous encouragent. Ça va? Oui. Oh. Restez là. Pour l'intervention, ce que je mets à oui. C'est fou pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. Marie-Pierre, Mathieu, croisière, assemblage, Rocky, c'est fou. I'm sick and I'm on the right. Every Day de Enjoy Your Pumas. Your Pumas. Et pas mal. C'est un de mes choix. Vraiment, j'adore cette pièce-là. J'aimerais pouvoir la jouer toutes les semaines. Et c'est ce qu'on fait pas mal parce que dans pas mal depuis un bout. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Tantôt, on a commencé une petite liste de sorties à faire. Là. Tu nous avais dit qu'il y avait une pour les Killers. Les Killers. Une pour les médiums. Les médiums, ouais. Oui. Et la dernière, ça va être pour les frileux. Mais là, on est rendu au milieu, les médiums. Oui, parce que bon, tantôt, je vous ai parlé du paintball, Bigfoot paintball à Rawdon. Rawdon. Mais je suis allée et je trouvais que ça faisait mal, les balles, quand on recevait. Bon. Oui. Et il y a un autre type de jeu qui est très semblable au paintball, mais qui fait beaucoup moins mal. Beaucoup moins mal. Okay. Je dirais même absolument pas mal. Ah. Et c'est, un peu drôle que je vous parle de cette activité-là, mais c'est le Dark Zone. Donc, c'est des lasers. Oui, le laser tag, genre, style comme, ben oui. Mais moi, celui que je connais davantage, c'est le Dark Zone à Laval, dans le Carrefour Laval, je crois, ou quelque chose comme ça. Okay. C'est dans un centre d'achat. Et je suis allée là une dizaine de fois environ, parce que bon, je travaillais dans un camp et chaque année, on allait là parce que les enfants, ils capotent, OK? Il n'y a rien d'autre à dire, là, c'est la journée de l'année, là. Oui. Et donc, j'ai joué énormément de fois et je trouvais que c'était semblable au paintball, sauf que tu blesses personne puis tu te fais blesser par personne. Et parce voilà. Que bon, t'as un habit en plastique qui est, bon, c'est pas très lourd, là. Tu sais, quand t'es un adulte, ça se supporte très bien. Et bon, il y a des plaquettes, des capteurs, on peut dire ça? Mm-hmm. Des capteurs laser, ouais. Devant, derrière, donc dans notre dos, sur les épaules et sur le fusil. Et donc, t'es séparé en trois équipes. Il y a trois bases dans lesquelles il y a un gros cylindre au plafond. Et c'est dans un labyrinthe avec de la musique très, très forte. Un peu trop forte des fois. Okay. Il y a des... Tu sais quand nos vêtements apparaissent fluo, là? Les affaires de blacklight. Oui, des blacklights, c'est ça. Des blacklights et de la musique. C'est dans un labyrinthe et c'est... C'est un penchant médium au paintball. Ah, et bon, t'es en équipe, t'es dans le labyrinthe, faut que t'ailles détruire la base de l'autre équipe, faut que tu protèges la tienne. Donc, c'est tout un peu plus stratégique que le paintball. Et sans blesser personne. Ouais. On parlait de Neil Patrick Harris plus tôt dans la chronique, c'est un fait. Dans How I Met Your Mother, son personnage Barney est un fan de laser tag et les gens dans la gang, dans le groupe, vont toujours jouer au laser tag là-dedans. Oui, c'est ce qui me ferait parce que d'année en année, tu y vas, OK? Tu y vas une fois par année, puis on dirait que tu vois tout le temps le même monde. Il y en a, là, ils doivent. Avoir une passe à l'année là, là-bas. Mais pour quand tu y vas une journée, par exemple, une partie, ça dure 18 minutes. Une partie, c'est 7 $, deux parties, 13 $, trois, 18 $. Et si tu veux y aller à volonté toute la journée, c'est 25 $. Ah. Donc, c'est moins cher que le paintball. Oui. Ça fait moins mal hein, aussi. Que des avantages et pas vraiment de négatifs là-dedans. Oui. Ouais. Donc, ça fait quand même une journée. Tu sais, une fois par année, une fois par deux ans, là, moi, ça me convient. Oui. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est le penchant médium. Le laser tag Dark Zone à Laval. Le Dark Zone à Laval, darkzone.ca pour plus d'informations. Merveilleux. Il va nous rester donc la sortie pour les mous. Non, les frileux. OK. Oui. À première vue, ça n'aura pas l'air de fitter avec les deux autres sorties que je vous ai proposées. Et c'est pour ça que c'est pour les très frileux. Là. Ceux qui vont pas vouloir aller faire du laser tag parce que c'est pas trop... trop violent. Geek. Trop geek. Je sais pas. Ou parce que c'est pas votre style ou je sais pas trop quoi. Mais bon, je propose la sortie frileuse parce que c'est sur le retour. Donc, quand tu reviens vers Trois-Rivières, c'est sur le chemin. Donc, sur un restaurant, genre Tim Hortons. Le nouveau beigne. Bon. Tantôt, donc, dans ta chronique, t'as ton segment là. Mais bien. Pour l'instant, avant de continuer avec la chronique, c'est un fait. On a le temps pour une dernière pièce musicale. N'est-ce pas? Et encore une fois, est-ce qu'on y va avec une des tiennes? On y va avec une des tiennes. On se l'est pas dit avant, on va la trouver. Pareil comme tantôt, ça paraîtra même pas. Même pas. Donc, c'est une chanson de Timber. OK. Mm-hmm. Ça, jusqu'à maintenant, ça va, je suis capable de le dire. Ça va très bien, Mathieu. Oui, c'est sûr. Et c'est une chanson qu'on a eue dans le palmarès, si je ne me trompe pas, le palmarès anglophone. C'est un bon indice, oui. Lonesome Hunter. Lonesome Hunter. Oui. Bon. D'ailleurs, si vous voulez, si vous entendez parler d'un spectacle de Timber, profitez-en parce qu'ils sont excellents spectacles. Oui, tu en avais parlé dans l'émission. Oui. Ils avaient fait quelque chose avec Patrick Watson. Avec Patrick Watson et les deux groupes ensemble, c'était magique. Mais les chansons de Timber, c'était très bon en spectacle. Le chanteur avec sa voix suave, là, on aime ça. Est-ce que tu crois que je suis le seul à l'appeler encore Patrick Watson, même si c'est clairement un Québécois francophone, c'est bien ça? Je l'appelle tout Patrick. C'est un Québécois anglophone. Il est anglophone, mais c'est il parle en français. OK, parce que je l'appelle tout Patrick Watson, puis je me sens drôle parce que tout le monde me regarde. Pourquoi tu l'appelles pas Patrick Watson?

rêvent tous de faire de la bonne nourriture, mais les chefs, c'est peut-être un petit peu mettre la barre haute. Peut-être un petit peu. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On vient d'entendre Lonesome Hunter de Timber. C'était un des choix de Marie-Pierre Laforge-Bourrère. Alors, on va continuer nos choix tantôt de l'été, mais avant ça, c'est le moment de continuer avec une deuxième partie de l'excellente, mais des fois incompréhensible, dépendant de qui je suis capable de traduire les mots. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Plein de choses à apprendre, Marie-Pierre et moi, comme ça. Je te les enseigne et tu absorbes l'information. Shakespeare, on va commencer par un petit bloc sur Shakespeare. Je sais pas trop pourquoi, ça donne comme ça. Il y avait des faits sur Internet qui parlent de Shakespeare dans mes sources. Commençons par le fait qu'il a inventé, c'est lui qui a inventé, apparemment, le mot « bedroom », chambre à coucher, dans son livre « Midsummer Night's Dream ». Son jeu de nuit d'été. Voilà, en 1590. Donc, apparemment que le mot « bedroom » n'existait pas avant. Lui qui l'aurait inventé. Moi, je savais pas ça. T'sais. Mais non plus. Voilà. Sinon, tu connais le prénom Imogen, I-M-O-G-E-N. Il y a entre autres la chanteuse là, Imogen Heap, là, genre, là, une chanson de Mars. Quoi. Mais Imogen, ce prénom-là, c'est une erreur en fait parce que c'est Shakespeare qui voulait écrire Inogen, I-N-N-O-G-E-N, mais le gars qui s'occupait de l'impression de ce livre-là l'a mal lu, a mis les deux N ensemble pour faire un M. Donc c'est pour ça qu'il y a des filles qui s'appellent Imogen. Non seulement c'est vraiment laid, mais ça aurait pu en plus être encore plus laid avec Inogen, t'sais. C'est pas un beau nom, on s'entend là-dessus. Imogen. Autre nom qui ont été inventés par Shakespeare, Juliette, Miranda et Olivia. On dit que ça a tous été inventé, ces noms-là, par Shakespeare. Des bons choix. Très bon. Ça, c'est des beaux noms, par contre. Oh, oui, Olivia et Juliette en particulier. Miranda, pas certain. Aussi, le nom Jessica. Juste simple, tu sais, genre, toutes les filles s'appellent soit Marie-Ève ou Jessica, non? À part toi. Mais Jessica, c'en est un. C'est vrai. Non, mais avoue, il y a un grand pourcentage de gens qui s'appellent Marie-Ève. Ouais, mais des Marie quelque chose, il y en a des milliards. Hein? C'est sûrement 60% de la population, oui. C'est ça. Changeons de sujet, totalement. Pour les céréales, on pourrait pas être plus loin de Shakespeare qu'avec les céréales. Le coq de Kellogg's a un nom. Je sais pas. Non, Cornelius. Ah. Comme corn, maïs, corn, cornflakes, Cornelius. Ma mère, c'est une fan finie des cornflakes. Il y a vraiment des fans de cornflakes dans la vie. Non, mais dans le sens qu'elle en mange probablement tous les jours depuis 40 ans. Là. Mais c'est tellement mou, ça fait là après 2 secondes, non? Mais non, c'est bon, faut que tu te dépêches. C'est ça, c'est comme un défi, mange depuis très bon. Possible. Mais j'avoue que les frosted flakes, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, frosted flakes. Mais les cornflakes, je trouve ça plat à mort. Ah non, mets des fruits dedans, Mathieu. Ouais, ouais, ben ouais, je vais commencer à prendre une demi-heure après. Un petit érable aussi, là. Ah, ça, par contre, tu viens de me gagner, là. demain, on est vendredi, ça va être ma journée sirop d'érable dans mon café. L'Inde, tranche de vie ici. L'Inde s'est retirée, et là on change encore de fois de sujet, de la Coupe du Monde de 1950. Parce que, devine pourquoi l'Inde s'est retirée de la Coupe du Monde, ça c'est le soccer. Parce que... ça leur tentait plus. Ça leur tentait plus. Parce que la FIFA leur empêchait de jouer nu-pied. Oh. T'aurais jamais deviné ça. Jouer nu-pied. Ils voulaient jouer nu-pied au soccer, mais ça n'a pas marché. La FIFA voulait pas. Donc, 1950, l'Inde s'est retirée. Après ça, est-ce qu'ils ont porté des souliers? Bonne question. J'imagine. Sûrement. Qu'est-ce que ça dit? Il y a un match, une partie de cricket, d'accord? En 1863, à Old Trafford, une équipe de... Je sais pas comment on appelle ça, des joueurs de cricket, des cricketeux, des cricketiers, des cricketants, bref. Des gens qui jouent... comme cricket ou Rockwell. Des cricket Rockwell. Rockwell. Donc, c'était une équipe de gens qui jouent au cricket avec un seul bras. Dans le fond, c'est des gens qui n'avaient qu'un bras, d'accord? Okay. Contre une autre équipe qui n'avait chacun, des joueurs, chacun une jambe, d'accord? Donc, des gens à un bras, une jambe. Ils ont joué ensemble. Qui a gagné, selon toi? C'est du cricket, ici. Là. Cricket... Moi, je dis que c'est ceux qui avaient juste une jambe qui ont gagné. T'as raison, exactement. Hey, bravo! Woo-hoo! Une chance sur deux. Le mérite n'est pas tellement là, mais quand même. Il y a plus d'avocats à Los Angeles que dans tout le pays de la France. Hein? Ben oui, mais c'est Los Angeles. Hein? C'est aux États-Unis, apparemment. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a plus de 1 100 000 avocats aux États-Unis aujourd'hui. 1 100 000. C'est beau. Est-ce qu'ils ont beaucoup tous de travail? Ah! Une autre bonne question, t'es rempli de bonnes questions. Une autre chose qui a peut-être rapport avec la loi, parce que, vous allez voir, plus de 7000 Américains meurent à chaque année et 1,5 million sont blessés à cause de la mauvaise main d'écriture des docteurs. sais, les docteurs écrivent quelque chose sur un papier, sur leur rapport pour l'opération, ou peu importe. Ils écrivent mal, peut-être pour les médicaments, je sais pas. Et puis, ça, c'est mal lu par la personne qui a à lire ces affaires-là. Et puis, ça cause 1,5 million de gens qui sont blessés et 7 000 Américains qui meurent par année. À cause de ça? Oui, à cause de la mauvaise écriture des docteurs. OK. Pourquoi? Est-ce qu'il y a sûrement des explications? Mais c'est vrai que les docteurs, en général, ça écrit pas toujours bien. Ben, c'est ça. C'est leur réputation les précède dans ce cas-là. Tout comme certains profs d'université aussi. Ah oui? Oui. Qui sont docteurs. Autrement. Est-ce que tu veux les nommer? Non. Non, d'accord. Einstein. Tu connais Einstein? Oui. Pas dans Ouattatata, là? Non. Okay. Dans Ouattatata aussi, je le connais. Ah oui. Einstein s'est fait demander d'être président de l'Israël en 1952. Ça veut dire ça? Non. 1952, voulez-vous être président de l'Israël? Et il a dit non. Eh ben. Le vidéoclip, tu connais, est-ce que tu connais Britney Spears? Oui. Britney Spears? Oui. Son vidéoclip Baby One More Time, tu connais aussi, a été filmé à l'école secondaire où Grease, ou Briantine de cette traduction savoureuse québécoise. Grease? Oui, Grease, ou française. Grease, donc, a été filmé. C'est vrai. Les scènes d'école dans le film de 1978 et le vidéoclip de 1998 ont été enregistrées à Venice High School, à Los Angeles, en Californie. Drôlement, et un autre fait très intéressant ici, le cousin de Britney, Chad Spears, qui est un top modèle pour Abercrombie et Fitch, là, les vêtements, a joué son amoureux dans le vidéoclip de Baby One More Time. C'est vrai, l'inceste dans un vidéoclip de Britney Spears. Moi, j'en reviens juste pas. Chad Spears. Une prison brésilienne, oui, utilise des oies pour faire sa sécurité. Une prison qui a beaucoup trop de prisonniers dans le nord-est du Brésil a décidé d'employer deux oies pour protéger contre la violence dans la prison et pour les gens qui s'échappaient de prison. Il y a en ce moment 255 prisonniers dans cet endroit-là, une prison qui est faite pour accueillir 153 personnes, donc c'est 100 personnes de plus que ce qu'ils devraient avoir. Donc, les gardiens ont décidé de trouver une façon originale ou innovatrice, voilà, pour sécuriser les lieux. Donc, des oies qui vont faire un bruit, là, on dit genre klaxonner, là, un genre de bruit de klaxon que les oies font, je sais pas trop, qui vont alerter les gardes de sécurité quand il va y avoir des drôles de mouvements, des choses qui ne sont pas habituelles, ils vont alerter les gardes si quelque chose se passe. C'est spécial. C'est très spécial. Savais-tu qu'il y a une cabine téléphonique en plein milieu d'un désert? Non. C'est dans le désert de Mojave. Mojave Desert. Qui est à plusieurs milles de toutes les routes et de toutes les bâtisses. Donc, c'est le Mojave Phone Booth, une cabine de téléphone dans le désert de Mojave. Dans le fond, localisée dans la National Preserve de Californie. Ça existe depuis presque 40 ans. Ça a existé depuis pendant presque 40 ans. Ça n'existe plus en ce moment. C'est à 8 milles de la route pavée la plus proche et à 15 milles de l'autoroute la plus proche et à plusieurs milles, en général, des bâtisses les plus proches. Le téléphone a été installé dans les années 60 pour permettre aux gens qui travaillaient dans les mines de téléphoner. Donc, il fonctionnait vraiment. Là. Tout à fait, tout à fait. Et il y avait beaucoup de touristes qui se rendaient là pour aller le voir. D'ailleurs, ça a fait fureur sur Internet, au début de l'Internet. Un résident de Los Angeles l'a découvert en 1997 et en a parlé dans un magazine. La nouvelle a fait le tour d'Internet après ça. Et ça a ramassé plein de fans. Les gens l'appelaient tout le temps, cette cabine-là. Et les visiteurs venaient au désert pour répondre au téléphone, envoyer des appels et pour faire des graffitis dessus. Le National Park Service l'a fait enlever en 2000 pour réduire l'impact environnemental du trafic. Et maintenant, ils mettent un téléphone cellulaire, fait que les mineurs, il faut qu'ils fouillent dans le sable pour le trouver. Ah, peut-être. Oh. C'est encore plus fun. Ça dépend du... Ouais, c'est, ouais. Non, peut-être pas. J'espère que c'est pas avec AT&T. Apparemment que leur service n'est pas très bon. Ça. Seulement 3 personnes ont déjà eu leur tête sur un Pez dispenser. Tu sais, les machines, les trucs à bonbons Pez. Tu sais, il y a toute une face en haut, puis c'est comme un bonbon qui sort par en bas. Donc, Pez, la compagnie, a une règle. Ils veulent pas mettre de vraies personnes sur leur Pez dispenser classique. La seule exception qui a été faite, c'est lors du bicentenaire des États-Unis. En plus de personnages fictifs comme Uncle Sam, là, celui qui dit « I want you », il y a eu la tête de Betsy Ross, Daniel Boone et Paul Revere. Un Pez dispenser avec la tête de Elvis Presley a été vu dans le film The Client, mais c'était pas vraiment fait par Pez. Dans le passé, les Pez dispensers n'avaient pas de tête du tout, donc c'était juste un bâton, et on les appelle encore les Regulars, ces Pez-là. Depuis 1955, Pez a sorti évidemment plusieurs Pez dispensers avec Bugs Bunny, entre autres, Darth Vader, Kermit et les autres. Vous pouvez voir d'ailleurs la liste complète des Pez dispensers qui ont été fabriqués depuis. J'en avais un en Garfield. En Garfield? Oui. Est-ce que ça goûte la lasagne? Ouf, non. Ce serait le fun. En fait, je suis pas sûr que ce serait le fun des bonbons à lasagne. Maintenant, j'y pense. La liste est sur assemblagerequis.com dans le lien de site un fait. Tu connais Rebecca Black, la fille qui chante Friday, Friday, gonna get down Friday? Non, tu sais, sur Internet, ça fait fureur. Non, non. Il faut qu'elle choisisse quel siège elle va prendre dans la voiture de ses amis. C'est super chic. Bref, c'est pas le fait, hein. Tout le monde connaît ça à part toi, là. Madame, je suis en retard, là. Non, c'est pas grave. Cherche Friday, tu vas le trouver tout de suite. C'est vraiment mauvais, ça vaut la peine. Donc, Rebecca Black, pour ceux qui la connaissent ici, se fait achaler énormément à l'école tellement qu'elle a dû lâcher l'école et elle a maintenant un tuteur à la maison. C'est vrai. Évidemment, toutes les vedettes du monde font rire d'eux à un moment donné, mais Rebecca a tellement fait rire d'elle sur Internet. C'est devenu comme la grosse affaire que tout le monde rit d'elle. Donc, sa mère l'a retirée de l'école. Les gens venaient la voir avec leur petite voix nasillarde et chanter devant elle. À un moment donné, ça devient gossant, ça. Même si elle est vraiment pas bonne chanteuse. Donc, elle a 14 ans et puis elle est à l'école à la maison maintenant. Vous pouvez en savoir plus dans l'article sur assemblagerequis.com encore. On a quelques petits détails qu'on apprend là-dessus pour... elle dit qu'elle est à l'école à la maison maintenant pour pouvoir focusser plus sur sa carrière. Ça, c'est le fait que je trouvais drôle. Non, c'est vraiment... Non. Vraiment très drôle qu'elle focus sur sa carrière. On parlait tantôt du nom d'endroit avec le moins de lettres possible. Tu te rappelles, oui, c'était A avec un A avec un cercle au-dessus. Un petit chapeau rond. Mais aux États-Unis, il y a aussi l'endroit le plus court aux États-Unis. Au lieu d'être dans le monde, c'est juste aux États-Unis. C'est la ville de Y en Alaska. Juste Y. C'est le nom d'endroit le plus court aux États-Unis. Ça veut-tu dire quelque chose? Non, je pense pas. Peut-être que c'est l'initiale de quelque chose, mais l'article le dit pas. C'est une très bonne question encore. Les mots Hong Kong peuvent être dits sans bouger les lèvres. Et c'est long, hein? Hong Kong. Hong Kong. Ben, ça fonctionne. Ouais! Yeah! On est pas pire. Essayez, vous aussi. Oui, à la maison, essayez. Il nous en reste deux petits rapides. Enfin, pas si rapide que ça, mais quand même deux articles à vous mentionner. Est-ce que t'as souvent des fourmis dans les bras et dans les jambes? Des fois, par exemple, quand je m'assieds en indien et que je souhaite me relever et que ça fonctionne pas toujours, voilà, oui. Tout à fait. Oui, mais ça agrée. Quand tes bras et tes jambes s'endorment, il y a un truc pour les réveiller. C'est de brasser ta tête sur les côtés. Ah ah! C'est vrai. La sensation de chatouillement quand on s'assoit ou qu'on se couche, ça s'appelle de la paresthésie. Paresthésie. Eh ben. Voilà donc le truc pour régler ça en dedans d'une minute. C'est parce que dans le fond, on donne l'explication ici que c'est causé par des nerfs compressés dans le cou. Apparemment, quand tu t'assises d'une certaine façon, ça compresse les nerfs dans ton cou. Donc, littéralement, tu peux shaker cette sensation-là en faisant un mouvement de tête de gauche à droite. Pas gauche à droite à l'horizontale, mais comme genre penché sur le côté, en touchant ton oreille vers l'épaule, et gauche-droite, comme ça, quand ça t'arrive, ce qui aide à soulager la tension des nerfs et relâche cette impression de chatouillement plus rapidement. Ça fonctionne pas pour la paresthésie en dessous de la ceinture, donc on parle des jambes ici. Donc, si votre pied ou votre jambe s'endort, ben, dans le fond, ça vient pas vraiment aider ton problème, parce que si c'est quand t'es assis en indien, ça marche pas vraiment, le truc, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais bref, si ça arrive à vos mains ou à vos bras, vous saurez quoi faire. Sinon, mais au pire, vous brassez d'autres choses, ça va bien, à un moment donné, finir par finir, ça. Brasse-toi quelque chose d'autre, brasse tes absolument, je marche. Ah. J'essaie de marcher. Ça fait mal quand tu marches, quand t'as des oui, fourmis dans les jambes. Oui, mais ça fonctionne. Ouais, en tout cas. Et le dernier, celui-là m'intrigue vraiment beaucoup. Saviez-vous que dans... premièrement, t'as déjà vu Le Roi Lion, on en parlait la semaine passée, je pense. Oui, Le Roi Lion 1,5, entre autres. Ah, qui est bon, ce film-là, 1,5, sérieux. J'étais vraiment impressionné, je m'attendais pas à grand-chose, c'est toi non plus, hein. Non. C'est très bon, ce film. Donc, le film gagnant d'Oscar, Le Roi Lion, la balade... en fait, c'est pas le film qui est gagnant d'Oscar, c'est la chanson Can You Feel the Love Tonight. Tout le monde connaît Can You Feel... Oui. C'était supposé être un duo, une chanson à deux, chantée par Timon et Pumba, ça. Et oui, c'était pas supposé être des voix hors champ qui. Je sais pas si c'était supposé être le roi Lion lui-même et la fille Lion, je me rappelle. La Lionne. Est-ce que je sais pas qui chante. Si c'était supposé être. En tout cas, c'était des voix hors champ qui venaient de nulle part dans ma tête, là, qui chantaient ça. Donc, cette version-là, avec Timon et Pumba, a même été storyboardée. Ça, c'est genre dessiné pour être envoyé au dessinateur de dessin animé. Et même enregistré vocalement. Donc, les compositeurs de cette chanson-là, Tim Rice et Elton John, on sait tous que c'est Elton John qui a écrit ça, n'étaient pas très heureux du tout, en fait, que les producteurs aient décidé de ne pas les prendre au sérieux et donc de ne pas mettre Timon et Pumba qui chantent cette chanson-là dans le film. Et même qu'à l'ultime, à la fin de tout ça, ou presque, la chanson a failli ne pas se retrouver dans le film. C'est que quelques semaines avant que le film débute en cinéma, Sir Elton John s'est fait montrer le film en primeur, genre en avant-première, si on veut. Donc, John était vraiment choqué de voir que sa balade n'était pas du tout dans le film à ce moment-là de l'historique du film, étape par étape. Donc, heureusement, il a réussi à faire campagne pour la chanson, pour l'inclure dans le film. Et dans le fond, dans un très, très court laps de temps entre la fois, le moment où il a vu le film et le moment de la sortie. Donc, ils ont fini par le mettre dedans. Et Can You Feel the Love Tonight, comme on a dit plus tôt, a gagné l'Academy Award, l'Oscar pour meilleure chanson originale. Donc, si vous voulez bien, on va se gâter et on va aller entendre Timon et Pumbaa chanter Can You Feel the Love Tonight dans The Lion King, ce qui aurait pu arriver. C'est là, là, c'est toujours là, là. I've toujours là. This stinks. Oh, sorry. Not you, them. Him, her, alone. What's wrong with that? I can see what's happening. What? And they don't have a clue. Who? They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two. Oh. The sweet caress of twilight. There's magic everywhere. And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air. Can you feel the love tonight? All the signs are there. A starry sky and tons of tenderness. Disaster in the air. And if he falls in love tonight, no, it can be assumed. What? His carefree days with us our history, in short, our pal is home. Ça a l'air de déranger tant que ça qu'ils aient choisi de pas les faire chanter. Hein. C'est un peu pénible oui. Par moment, ouais. Mais surtout quand Timon chante, là. Tu sais, le petit, là. Ouais. On dirait que c'est agressant. C'est mieux la vraie version. Je crois pas que ce soit un chanteur professionnel. Les voix en anglais de Timon et Pumbaa sont faites par Nathan Lane et puis par Ernie Sabah. Ça, c'est Pumbaa et puis Timon, c'était Nathan Lane. Bon. Très bon acteur de théâtre. Ça aurait été drôle, ça aurait été très différent. Ça aurait pas été aussi romantique et touchant comme moment, je pense, dans le film. Hein, parce que c'est un moment quand même touchant. Hein. C'est joli, c'est cute. Voilà. C'est tout pour la chronique, c'est un fait, Marie-Pierre. C'est fini. Hein. Sur une belle note. Sur une belle note. Ouais. C'est le cas de le dire. C'est ça. Et si vous n'avez pas encore vu Le Roi Lion 1 et demi, au moins, si vous avez sûrement vu le premier, retapez-vous-le. Après ça, regardez le deuxième, même si il n'est pas aussi beau. Il est aussi bon, mais il n'est pas aussi beau. T'sais. Et puis le 1 et demi, qui lui a tout pour lui. Ouais. Bon. C'est la fin de l'heure, vite de même comme ça. Les choses se passent incroyablement vite. On va revenir avec une quatrième et dernière heure tantôt. Stéphanie Gagné va être avec nous pour sa chronique Ton plat favori, n'est-ce pas? Il te reste notre endroit pour les frileux. Oui. Petite sortie. Pour les frileux. Qui va agrémenter votre froid d'être. Votre être froid. La fin de l'été, mettons. Ah, voilà. Restez avec nous. Il y a aussi, si tout va bien dans la dernière heure, ça n'a pas rentré la semaine passée, mais la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a resté avec. Bon, retour sur la quatrième et dernière heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis, en direct du bateau, le SS Requis, avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi-même, Mathieu Plantet. Hein? Mathieu Plantet. J'aurais pu dire Mathieu... J'essayais... Je suis pas capable de chanter comme Simon et Pumba, tu sais. Non, on veut pas non plus. Non, tu veux pas, genre? Non. Retiens-toi, Mathieu, yeah. Retiens-toi. Non, je l'ai pas pire, hein? Ouais. C'est aussi bon que ce l'était tantôt. Hein. On va entendre Wolf and Cobb avec un classique. On l'a fait jouer super souvent à Assemblage Requis, surtout quand on était le matin, parce que ça donnait, c'était sur le palmarès à ce moment-là, Wolf and Cobb, Seven Sevens. Et ça a quitté. Ça a été remplacé par d'autres pièces que j'ai beaucoup moins aimées de Wolf and Cobb. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas si... Faudrait que j'écoute le CD au complet pour peut-être trouver une autre bonne pièce que j'aime. Donc Wolf and Cobb, Seven Sevens. Et puis après ça... Ça va être ton plat favori avec Stéphanie Gagné, pas mal sûr. Parce que j'arrête pas d'entendre des messages sonner sur mon téléphone. Ben oui, c'est ça. Ça sent mieux. Restez là. que tu veux pas que j'anime avec un œil fermé tout le long de l'émission par compassion. Ok. T'as pas l'air de bien. Marie-Pierre, elle a des problèmes de voir le contact, puis là, ben, elle est obligée de rester avec un œil fermé. C'est pas chic à voir. C'est tout bruit. Ah, oh, merci. Non, mais c'est, ça reste beau, là, mais ça fait pirate, un petit peu. Bon. Si t'avais un patch, c'était encore plus. Ouais. Ouais. Hey, tantôt, on parlait avec Justine Renaud. On se rappelle tous de ses problèmes de grains de beauté de 9 par 11 mm enlevés au couteau. C'était vraiment beau. Au ciseau. Au ciseau, excuse-moi. On va parler avec une autre, problème que des, une autre femme qui a des problèmes. Parce que, bon, c'est Justine, grains de beauté. Toi, t'es vers le contact. On va parler avec Stéphanie Gagné et sa chronique « Ton plat favori » maintenant. Même son intro parle de sang sur un bistouri, c'est pas très attirant. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, excuse-moi. Stéphanie? Oui, ça va mieux comme ça. Oui, ça va beaucoup mieux comme ça. C'est quoi toi ton problème de santé cette semaine? Moi, j'ai une bronchite. Pas une bronchite? Oui, une bronchite. Oui, et comment se passe-t-elle ta bronchite? Depuis combien de temps t'as ça? Ben, la semaine passée, quand j'étais allée en studio, j'étais quand même pas pire malade, oui. Mais ça l'a comme empiré et voilà. Je suis vers la fin, là, mais je m'en sors. Ouais, vers la fin. Est-ce que le mot « vert » décrirait bien ce qui sort de toi en ce moment aussi, non? Oh, c'est dégueulasse, Mathieu. Excuse-moi. On avait dit qu'on n'en parlait pas, non? On va être le plus dégueu possible aujourd'hui. C'est la version trash de l'émission. Donc, Stéphanie, t'es rendue où? À Gatineau, là, vraiment? Oui, vraiment à Gatineau, dans mon ghetto, où est-ce qu'il y a des fusillades puis tout ça. C'est vraiment le fun. Ouais, ben parle-nous-en, là, parce qu'on sait que la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais en train de quitter Trois-Rivières complètement, quitter ta job, tes amis, tout ce qu'il y a dans ta vie, et pour t'établir de façon semi-permanente, j'imagine, pour un bout. Ouais, c'est ça. Pour 2 ans, à peu près. Pour aller à l'école? Exactement. Puis là, ben, je suis arrivée à Gatineau, là, officiellement. J'ai passé 3 jours à faire absolument rien, à dormir, à écouter la TV en rafale dans mon lit. J'étais vraiment épuisée. Puis de toute façon, je connais personne encore à Gatineau. Fait que j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Mais il y a quand même de l'action à Gatineau. Je me suis fait réveiller par des coups de feu l'autre jour. Il y a eu une fusillade vraiment juste à côté de chez nous. Comme que si j'aurais regardé par la fenêtre de ma coloc, que j'aurais pu être témoin de tout l'accident. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu ça aux nouvelles par après ou lu le journal et ça a donné que c'était ton bloc qu'on voyait? Non? Ouais, ouais. Ben, le lendemain matin, j'ai décidé de regarder sur Internet ce qui s'était passé. Ouais. Puis dans le fond, c'est qu'il y a un bar de danseuses. En fait, il y a deux bars de danseuses juste à côté de chez nous. Ah, donc tu as du choix? Il y en a un qui est genre haut de gamme et il y en a un qui est vraiment bas de gamme. Ouais. Et dans celui qui est bas de gamme, bien, on sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a tiré sur d'autres mondes. Oh. Puis après ça, ben, il est parti. Puis là, la police était là en train dans le stationnement. Ça a donné qu'ils ont entendu ça. Puis là, ben, il y a un policier qui a aussi tiré sur un des suspects. Donc, c'est la SQ qui a pris ça en charge. Wow! Wow! Tout ça juste à côté de chez nous. Il y a de l'action. Ben, c'est divertissant, hein, en tant que tu ne sois pas la victime de quelque chose un jour. Ouais, c'est ça. C'est un peu spécial, disons, de se faire réveiller par des coups de feu. Ça m'était comme jamais arrivé. Disons que je laisse pas mon GPS dans mon auto, dans mon parking. Ben, j'ai peur de me faire voler. Tu sors pas seul après le coucher du soleil non plus? non, pas encore. Ouais. Tes cours commencent quand pour que tu puisses occuper tes journées? ça commence la première semaine de septembre. Ah, d'accord. C'est dans bientôt. Ouais. Ouais, c'est ça pour l'instant. Ben, aujourd'hui, j'ai été porter des CV, donc. C'est ça, je voulais savoir si tu avais trouvé. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Est-ce que tu es proche de trouver quelque chose? Ben, j'ai déjà eu un appel pour un emploi, mais ils attendent d'avoir mon horaire. Mon horaire sort demain, donc il va falloir que je les rappelle demain quand je vais avoir mon horaire. Bon, on va se tenir au courant les prochaines semaines. Oh, Marie-Pierre change d'œil une fois de temps en temps avec Sébastien. J'aime ça. Bon, assez parlé de problèmes de santé, de problèmes de fusillade quelconque. Tu nous présentes ta chronique, ton plat favori. Donc, tu as, selon moi, j'imagine, un coup de cœur à nous proposer. Oui, ben, comme je disais tantôt, vu que j'ai pas grand-chose à faire puis que j'étais vraiment fatiguée, j'ai écouté la TV en rafale. Et Mathieu, tu sais comment j'aime les séries télé quétaines de ces filles. Ben, je sais qu'à date, quand t'écoutes des séries, c'est t'écoutes tout le temps les mêmes, plusieurs fois chaque, non? Exactement. C'est et là, je suis en train de réécouter les Grey's Anatomy que j'ai déjà vu 3 fois. 20 et 20 fois. Ouais. Oui, probablement à peu près 3 fois. Puis là, je suis en train de me retaper la série au complet. Et là, il y a quand même de la bonne musique dans cette émission-là. Dans la saison 1, par exemple, il y a 4 chansons, je pense, sur 9 épisodes, il y a 4 chansons de Tegan and Sarah. Donc, c'est assez pour me faire capoter. Et là, je suis en train d'écouter la saison 2. Et hier, dans un moment assez opportun, il y a eu une bonne chanson des Yeah Yeah Yeahs. Donc, j'ai redécouvert le deuxième album des Yeah Yeah Yeahs, Show Your Bones. Vraiment excellent album, nominé aux Grammy Awards en 2007 pour meilleur album alternatif. Et c'est ça, c'est la pièce Gold Lion, la première pièce de l'album. Donc, c'est un de mes coups de cœur de cette semaine. Je l'ai vraiment écouté à plusieurs reprises. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que depuis quelques années, depuis qu'Internet est devenu populaire récemment, l'Internet, tu connais ça, les gens vont plus acheter des compilations de séries télé. Dans le temps, dans les années 90, toutes les séries avaient leur compilation volume 1, volume 2, volume 3. Tu pouvais acheter des trames sonores d'émissions de télé. Il y en a encore, mais ça arrive beaucoup moins souvent. Mais je trouve ça dommage, justement, vu que moi, j'écoute beaucoup de séries télé. Ouais. J'aimerais ça qu'ils sortent les trames sonores, parce que des fois, c'est pas évident de trouver quelle chanson que jouer dans une émission. Moi, je prends les paroles en note, puis après ça, je rentre ça dans Google, mais encore là, des fois, je les trouve pas. On n'est pas capable d'entendre ce que le chanteur dit ou quoi que ce soit. Ouais. Mais de l'autre côté, je trouve ça bien que, vu qu'Internet existe maintenant, tu peux avoir des sites comme TV.com ou Wikipédia qui va lister les titres des pièces par épisode. Tu vas sur TV.com, tu tapes Grey's Anatomy, tu vas dans l'épisode de la saison 2, puis tu vas avoir la liste complète de tes pièces qui étaient en vedette dans l'émission. Je fais souvent ça, en effet. Très souvent. TV.com, je le visite assez fréquemment. Moi aussi. Alors, voilà, c'est ça pour mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est un album que j'ai acheté d'une artiste qui est vraiment sortie de nulle part. Son nom d'artiste, c'est Emma, E-M-A. Non. Mais son nom complet, c'est Erica M. Anderson. Donc, c'est ses initiales. C'est une artiste des États-Unis qu'on n'a vraiment pas entendu parler d'elle souvent, sauf sur Internet, sur Pitchfork, sur NME. Il y a aussi le magazine Rolling Stone qui a dit que c'est une artiste à suivre. Elle a juste sorti un album en 2011, Past Life, Martyred Saints, que je viens d'acheter. C'est vraiment c'est un peu artiste féminine, un peu trash. J'aime vraiment ça. Et j'ai choisi la pièce Milkman de cet album-là pour vous faire découvrir cet artiste-là. Elle est venue à Montréal dernièrement. J'en ai entendu parler pendant la super canicule du mois de juillet. Elle était à Montréal. Ah, j'ai manqué ça. Oui, t'as manqué ça. J'aurais sûrement pas pu y aller de toute façon, mais bon, je l'avais pas découvert encore. J'ai acheté l'album, ça fait 2 ou 3 semaines. Ouais. Donc, on va l'entendre ces deux pièces-là de suite. On ne le garde pas trop longtemps parce qu'on sait que tu nous téléphones d'outre-mer. Disons, là. Une autre côté du fleuve. Voyons. Ouais, c'est ça. Ouais, l'autre côté d'un cours d'eau. Comment? Pas l'autre côté du fleuve, mais en tout cas, loin. Tout ça pour dire que je suis loin. C'est ça. Hors de la ville, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc, on va l'entendre, comme tu disais, IMA ou Emma, c'est ça, Emma, avec Milkman. Et ça va être précédé de Yeah Yeah Yeahs avec Gold Lion. Yes. Et on te quitte là-dessus. Merci beaucoup, Stéphanie Gagné. Merci. À la semaine prochaine. Oui, on va te retrouver la semaine prochaine et toujours par téléphone. Hein? Toujours par téléphone. Plus jamais en personne. Plus jamais. Tu vas me faire pleurer. Ben ouais, je sais bien. Ah, c'est pas grave, on garde contact, c'est l'important. Hein? C'est ça qu'il faut. Voilà. Merci Steph, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Bye. Ah, et waouh, il y a un délai incroyable. On m'entendait. Ça veut jamais jouer, cette affaire-là. Joue donc. Ah, ben oui, la batterie vient d'embarquer. Sûrement qu'un autre instrument s'en vient. C'était la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est Fou. Gold Line's gonna tell me where the light is. Gold Line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. There was a crowd of seeds inside. I Restez là après la pause. La chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. On va les régler, nous autres, vos problèmes que vous avez pas du tout. Vous êtes assez fous. Vous l'écoutez. 89.1. Marie-Pierre et Mathieu vous montent un bateau. Vous écoutez La Vie de croisière d'Assemblage Requis. Oui, toujours La Vie de croisière d'Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret. On a commencé tantôt un beau petit bloc. En fait, on a parlé de deux choses, du paintball et du laser tag Dark Zone. Oui. Il nous reste une chose pour les gens qui sont un petit peu plus douillets. Oui, pour les gens qui sont un petit peu plus douillets, parce qu'on le rappelle, le paintball, c'était pour les gens qui sentaient la fibre killer en eux. Ensuite, il y avait le Dark Zone, un jeu laser pour le monde, bon, son médium, tu sais. T'as l'impression que t'es killer, mais tu te fais pas mal à personne. C'est ça. Et maintenant, pour les frileux. Et je vous parle de ça parce que, en revenant du Bigfoot, on avait faim à un moment donné. Et moi, j'ai un souvenir quand j'étais petite, disons, par exemple, 6 ans, mes parents m'avaient apporté un certain endroit entre Berthier et Trois-Rivières. Et, tu sais, un endroit là, que tu graves dans ta mémoire. Là. Et que, 12 ans plus tard, quand tu y retournes, c'est exactement la même chose. Ouais. Okay? Et là, je parle du... on peut appeler ça le casse-croûte. C'est la caillette à Masquinongé. Okay? C'est un endroit qui n'a pas changé depuis supposément les années 70. Parce que ma mère me disait que quand elle était jeune, c'était le trip du dimanche d'aller à la caillette, manger une crème glacée et revenir. Mais ce qui est très drôle à propos de cet endroit-là, c'est que c'est très, très kitsch. Et par kitsch, je m'explique, tu rentres dans le casse-croûte, au mur, il y a des têtes de vaches empaillées, disons-le, OK? Et il y a un mécanisme derrière tout ça qui fait que les têtes de vaches bougent continuellement. Ah. Donc, par exemple, Mathieu, t'as une tête de vache, OK? Merci. Tu bouges de droite à gauche constamment. Donc, c'est toutes des têtes de vaches qui bougent avec un décor super kitsch qui sort des années 70. Donc, c'est ton endroit, oui, tu peux manger, parce qu'ils font eux-mêmes leur fromage, donc tu peux manger une poutine avec du fromage en crotte par-dessus que c'est eux qui ont fait. Et également, il y a de la crème glacée, de la très bonne crème glacée. Mmh. J'en ai mangé une, c'était chocolat extrême, avec des pépites de chocolat noir dedans. Oh, là. Et je te le dis, Mathieu, là, tu veux être frileux et aller là-bas. Ah, c'est clair! Oui, je vous dis, c'est un peu méconnu peut-être, mais c'est un endroit qu'il faut découvrir. Là. Tu sais, c'est kit, c'est drôle, tu rentres là, tu fais un peu le saut, mais bon, la poutine est bonne, le fromage est bon, la crème glacée est bonne. Donc, c'est tout? C'est où? C'est à Masquinongé. Donc, entre Berthier et Trois-Rivières. Donc, si vous allez dans le coin de Montréal, vous voyez en revenant Masquinongé, c'est là que vous arrêtez. Ah. C'est sur le chemin principal. Je crois c'est la route principale. Là. Tu ne veux pas passer à côté. Observez, là, vous allez le trouver. Ça m'intrigue tout ça. J'ai envie d'y aller là, après l'émission. J'ai envie d'y aller là. Hein? Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Ah, frileux, je viens de comprendre que c'est la crème glacée, c'est froid. Oui, mais c'est pour... Aussi. Tu ne te fais pas tirer des balles dessus là-bas, t'en tires pas sur personne, c'est calme. Un food fight, ça peut toujours être bien. Ah, tu ouais. Lances des cordes de fromage, mais là, tu gaspilles des cordes de fromage cette maison à la place de lancer dans la bouche de l'autre. Oui. J'aime ça. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique « Ça existe, mais ça devrait pas », on l'a. Et dans cette chronique-là, évidemment, qui règle des problèmes que vous n'avez pas du tout, du tout, du tout, du tout. Par exemple, si vous avez de la misère à tenir votre iPhone, pourquoi pas un skin iPhone avec une main après, comme ça tu peux le prendre par la main, ton iPhone. Mmh. On va en parler tantôt, mais pour l'instant, on écoute Gorillaz. Voici « Revolving Doors ». Tantôt, il te reste une pièce à ton palmarès là, de l'été. Oh, que oui. Oh, que ça va être bon.

C'était Twin Shadow avec la pièce Slow. Et si vous voulez avoir un bon album, moi, c'est une des découvertes cet été, Twin Shadow. Il va venir à Montréal, d'ailleurs, en septembre. Donc, si vous accrochez, sachez qu'il va venir bientôt. Et un excellent album. Je pense Slow, c'est une de mes chansons préférées sur l'album. Et Twin Shadow, c'est qu'une seule personne? Oui. Je crois qu'il est moitié indien, moitié anglais. Donc, c'est un peu surprenant. C'est ouais? Ouais. Je pensais pas que... Ouais, c'est ça. J'ai aimé ça, moi, en tout cas. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, passons à la chronique « Ça existe », mais ça ne devrait pas. On l'a aussi connu sous le nom de C-E-M-C-D-V-P-E. Faudrait que je me l'écrive quelque part. Donc, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique qui vient régler vos problèmes multiples dans votre vie. Je suis sûr que vous en avez des tonnes de problèmes. Et bon, on a la solution pour tous ces problèmes-là. Bon. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais maintenant, je vais en avoir. Ah, ben, on va. Pour acheter tes choses. C'est ça, on va créer des problèmes, c'est ça que tu veux. Hein? Je vois pas. Par exemple, tu sais, tu veux. Tu manges. Mettons de la crème glacée ça chez arrive. La Cayette. Ouais. La Cayette, bon. Tu veux savoir combien t'as mangé de bouchées? Parce que, tu sais, il faut que tu t'en manges dans un certain nombre pour. Tu sais, parce que tu. Je sais pas, tu surveilles ta ligne. Il y a un compteur de bouchées, le Bite Counter. C'est simple quand même, hein. C'est une montre bracelet dotée d'un détecteur de mouvement qui compte le nombre de rotations du poignet du porteur. Hein? On dit que les mouvements caractéristiques de l'action de manger, bon, c'est lever un peu la main, tourner la fourchette, hein, c'est quelque chose quand même d'assez difficile à expliquer, là. Sont assez faciles à distinguer de la plupart des autres gestes de la vie courante pour calculer le nombre de bouchées avec une précision d'environ 90%. Évidemment, si votre objectif c'est de surveiller votre ligne, perdre du poids, ça peut-être pas changer grand-chose parce que tu sais, des affaires dans une cuillère, c'est pas tout le temps le même nombre de calories. T'sais, tu peux prendre une bouchée de quelque chose, ça va te faire prendre plein de poids et une autre affaire va peut-être en faire perdre, peut-être, on sait pas. Ou aussi, on peut les compter sans compteur. Ça serait bien aussi. C'est de la job, toi, là. C'est de la job faire ça, bien. J'ose même pas y penser. C'est quoi, il va falloir un papier, un crayon, faire des petites lignes. Hey, on n'est pas en prison, on compte pas les jours que ça fait qu'on est en prison avec des petites barres. Là, ça coûte 800$. Non. Simplement comme ça. C'est le bike counter. J'aime bien. Ensuite, t'es aux toilettes, t'as pas ton iPhone, t'as pas ton BlackBerry, t'as pas ton iPad, t'as pas ton MacBook, t'as rien, t'as pas de Game Boy, de Nintendo DS, t'as absolument rien. Comme dans l'ancien temps. Comme dans l'ancien temps, bien dit. Mais tu veux te divertir, donc pourquoi ne pas acheter le Tea Time, Toilet Tea Time? C'est un jeu de golf qui va en dessous de votre toilette. Donc, c'est un tapis de golf que tu insères un peu comme un tapis de toilette, finalement, avec le petit trou pour la balle, etc. Et là, ça vient avec un simili-gazon, deux balles, un fer droit, sûrement en plastique, donc peut-être un plastique droit, un coupe, je connais absolument pas ça, un écriteau à suspendre à la poignée de porte pour dire que tu es en train de jouer au golf, et ça coûte 20$ sur Internet. C'est pas génial, ça? C'est génial, hein? Pas mal. Voilà. Ensuite, vous êtes fan de science-fiction et vous trouvez vos robinets vraiment ennuyants. Vous aimeriez que vos robinets ressemblent à un vaisseau spatial. C'est ennuyant des robinets. Tout le monde se dit ça dans la vie, là. C'est plate des robinets. Ça. Donc, vous pouvez acheter cet accessoire-là. C'est est-ce que ça a un nom? Ça n'a même pas de nom. C'est la compagnie Leroy Brooks, je crois. Je lis n'importe quoi. Je ne vois que les photos et je ne vois pas le nom de la compagnie dessus. Mais c'est des robinets en forme de genre de vieux vaisseau spatial où ça pourrait ressembler à, je sais pas, un avion. Quoi. Et là, les ailes sont les robinets puis le vaisseau en tant que tel est là. C'est bien, hein? C'est beau. Allez voir sur assemblagerequis.com pour la photo. Ensuite, t'as un iPhone, mais t'as de la misère à le tenir parce que c'est dur, là. Trop carré, les coins sont trop carrés. De la misère à le tenir, ça arrête pas de glisser dans ta main. Mais toi, t'es capable de tenir la main de ton chum, tu sais. Souvent, la main de ton chum, c'est quelque chose qui est facile à tenir, tu sais, parce qu'il y a le même nombre de doigts, souvent, la plupart du temps. Là, tu peux tenir ça. Pourquoi ne pas, à la place, vu que l'un iPhone, c'est peut-être un petit peu trop petit, là, pour être de la grandeur d'une main, ils mettront pas une main d'humain. À la place, si t'as mis une main d'enfant collée sur ton iPhone, tu peux coller la main en plastique sur ton iPhone et tenir sa main à ton oreille, à la place de tenir l'iPhone, tu sais. L'iPhone tient la main. Mon Dieu, que c'est niaiseux. Ça me dépasse. 64$ pour ce gadget-là. C'est bien, hein? C'est très bien. Ouais, c'est pour l'iPhone 4 seulement. J'aime beaucoup ça. Toujours dans le domaine du iPhone, un autre rack à iPhone, mais aussi cahier de notes, parce que t'arrives à l'école, t'as iPhone, mais là, ton iPhone, là, il finit par être... Tu sais, tu le perds à la table, il est à côté d'autres affaires, les gens mettent leur feuille par-dessus, tu finis par te demander, mais il est où mon iPhone? Là, faut que tu t'appelles toi-même par un autre téléphone. Ça commence à être compliqué, tu sais. Donc, ton bloc-notes a un trou en forme... Ben, c'est comme un genre de mousse, là, un genre de mousse. Tu mets ton iPhone dedans, et si tu le mets sur... Parce que tu peux mettre à la verticale ou à l'horizontale. Si tu le mets à l'horizontale, t'as accès à ta prise d'écouteur, donc tu peux brancher, tu sais, pour écouter de la musique. Si tu le mets à la verticale, là, t'as pas accès à ton trou pour tes écouteurs. Mais, par contre, en dessous, t'as des feuilles de notes. T'sais? Et là, vu que l'affaire coûte 29$ américains, chez Design Tag, ben, tu peux changer les feuilles, tu sais. À un moment donné, quand t'as fini, tu changes les feuilles, puis là, t'as un rack à iPhone qui va servir à pas grand-chose. Peut-être pour copier tes notes sur papier ou de papier vert, tu sais, n'importe quoi. Je sais pas. Il y a sûrement une utilité à quelque part, sinon il l'aurait pas faite, hein. Ouais. J'ai pas d'iPhone. Non. Ça me concerne pas, on dirait. Je me sens pas interpellée par ce produit. Tu pourrais écrire un livre de poésie en même temps que tu joues à Angry Birds. Timberland Rattler Trail Cam Shoes. C'est des souliers de la compagnie Timberland, d'accord, qui se zippent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est des souliers que tu peux refermer vers le haut, vers l'intérieur, et zipper, et après ça, les clipper à ton sac à dos. C'est une bonne idée. Ça, c'est pas si bête, Titi. C'est quand même pas si pire. C'est à l'épreuve de l'eau. Évidemment, c'est pas fait pour les gens qui ont besoin de souliers avec une semelle épaisse, tu sais, orthopédique, quelque chose du genre. C'est fait pour se promener pas trop longtemps, parce que ça pourrait créer des problèmes à vos pieds, j'imagine, vu que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Mais c'est ça, c'est à l'épreuve de l'eau. C'est fait de tissu durable. Les semelles sont durables aussi. C'est composé, les semelles, de 42% de caoutchouc recyclé. Quand même. Donc, vous pouvez les retrouver pour 65$, pas si cher que ça, qui se zippent dans eux-mêmes et comme je disais, qui se clipent sur le côté de votre sac à dos. J'aime ça. Bonne idée, ça. T'es à la maison, tu viens de déménager dans un nouvel appartement peut-être, t'as pas encore décoré et toi, t'es vraiment une fan de iPhone. Je sais que c'est pas le cas parce que t'as pas d'iPhone, mais t'aimerais avoir les icônes de ton iPhone. J'aimerais vraiment ça. Sur le mur. Oui. C'est clair, tu sais, des toiles, tu sais, des toiles. Et le pire là-dedans, c'est que l'artiste offre de les peindre à la main pour 500$, donc sur un canevas de 20 cm par 20 cm, va te dessiner à la main l'icône de la météo, par exemple, le petit téléphone, la TV de YouTube, le bloc-notes de l'application bloc-notes, tout plein d'affaires, le message, calendrier, n'importe quoi. Et pour 500$ chaque, et moins cher si vous êtes cheap, là, si vous êtes vraiment cheap, mais vous voulez bien décorer avec vos applications iPhone, 275$ pour faire imprimer numériquement sur un canevas. Hein? C'est quelque chose, ça. Ça aurait été ben trop cher, là. Non, c'est un ensemble. Il y a deux ensembles de 16 icônes. Donc, 16 icônes à la main pour 500$, 16 icônes numériques pour 275. Bon, ça explique tout, ça. Ça va encore plus vous intéresser, j'en suis sûr. Toujours dans le domaine du iPhone, Blue Lounge Mini Dock. Ça, j'aime vraiment l'idée. C'est un des gadgets que j'aimerais acheter si je... Pourquoi ne pas l'acheter? Si t'en avais besoin. C'est ça, si j'en avais besoin, moi. Tu sais, tu recharges ton iPhone, mettons que t'avais un iPhone. Mettons ton téléphone cellulaire, là, quand tu le recharges, des fois, tu le laisses à terre, ça arrive-tu, ça? Ma blonde fait ça couramment. Tu branches dans le mur, tu le laisses à terre. Moi, je comprends pas ça, parce que je veux pas piler dessus, tu sais. Mais non. Fait que moi, je me suis acheté le petit dock, tu sais, pour mettre l'iPhone dessus, puis ça te branche dans le mur, puis ben, t'arrives à la maison, puis tu l'oublies pas, tu le mets dans le dock. Ici, c'est un dock qui se branche directement dans la prise de courant. Donc, tu le branches en prise, tu mets ton iPhone dessus ou ton iPod Nano, ton iPod Shuffle, n'importe quoi, ce qui a un port là, comme les appareils d'Apple. Et puis, ça le surélève du plancher. Ça empêche la poussière du plancher de pénétrer dedans. T'sais. Puis, ça ne pile pas dessus. J'aime l'idée. Ça coûte 20$, disponible aux États-Unis. Sur Internet, allez chercher le lien sur assemblagerequis.com. J'ai pris beaucoup trop de gadgets iPhone, mais je les trouve intéressants quand même. Non, mais c'est ce que tout le monde a. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a personne qui n'a plus d'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas d'iPhone, comme ils disent dans les annonces. Donc, vous avez besoin d'un stylet. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont de la misère avec leurs doigts, c'est de taper sur un écran, c'est difficile. Couramment. Ça aussi. Donc, les gens achètent un stylet capacitatif ou peu importe la technologie qu'il faut pour un iPhone ou un iPad. Mais c'est qu'il n'y a pas de trou dans l'iPhone ou l'iPad pour le mettre. T'sais? Donc, une compagnie. Javo Hedge ou peu importe, là, a décidé d'inventer un stylet qui se branche dans la prise en dessous du iPhone. Donc, ça se branche là, c'est super gros et avec un bout beaucoup trop gros qui va en plus cacher ton écran et tes doigts vont cacher l'écran aussi. Donc, tu verras absolument rien. C'est parce que déjà, juste sur un doigt, tu caches ton écran. Avec ça, tu caches trois doigts. Mais c'est ça, ça existe. C'est pour 10$. Disponible en noir ou en blanc. Pourquoi pas. Ah, hey, tiens, un gadget qui n'est pas un iPhone et qui va régler votre problème parce que vous avez tous un mini portable. Tu sais, les gens, c'est à la mode, achètent à 200$ un portable, tu sais, de genre 10 pouces d'écran. T'sais. Ben oui. C'est sûr. Tu vois rien, tu peux rien faire là-dessus, mais tu l'as pareil parce que c'est pas cher. Donc, mais tu veux, en même temps, tu te soucies de ton poids. Oui. Tu te soucies de ton poids. Donc, mais ton mini portable, tu peux malheureusement pas te mettre debout dessus pour savoir ton poids. T'sais. Non. À date, tu peux pas. Il n'y a pas encore d'application pour ça. Mais ils ont inventé un genre de mini portable, mais mini balance à la place. T'sais. Donc, c'est une balance là, vraiment de la grosseur d'une minuscule sacoche, ou peut-être de la grosseur d'un iPad à peu près, je dirais, que tu mets par terre. J'imagine qu'il faut que tu te mettes sous les pieds. Puis ça va dire ton poids sur un écran LCD qui se pop-up de ton appareil. Et ça coûte seulement 30$ chez Infmetry. Ça peut aller jusqu'à 330 livres. Quand même. T'sais. Ouais, mais une balance, c'est pas moins cher. Bon, probablement, mais est-ce que c'est portable? Probablement, mais est-ce que c'est léger? Vrai que... Non. C'est vrai que c'est tentant de toujours savoir comment on pèse, peu importe le moment de la journée. Tu sais, tu peux mettre ça dans ta sacoche là, ou dans ta poche, mettons que tu as des pantalons de cargo, mettons, des grosses poches. Là, ouais. Dans ma sacoche, tu sais, au moins, mettons, à chaque moment de la journée, je pourrais me peser. Tu pourrais. Oh, oui. Tu aurais le potentiel au moins de le faire. Oh. Ouais. Tu veux savoir l'heure, tu as une montre, tu sais, tu as une montre, mais tu trouves que c'est trop facile. Tu regardes ta montre, oh, c'est l'heure. Oh, tu sais, aucun défi, là, aucun défi. Tu regardes, hop, oh, tu sais, t'as l'heure, tu sais. À la place, pourquoi ne pas avoir un casse-tête sur ta montre? Tu sais, le petit casse-tête, là, comme on avait dans, je sais pas, dans des machines à gomme. Genre, des fois, t'avais des petits puzzles avec genre 9 cases, mais tu sais, c'est difficile à... Ah, je suis pas bonne à ça. Moi non plus. Mais c'est sur ta montre, donc l'heure est cachée derrière ton casse-tête à 9 morceaux. Et là, tu dois tasser les morceaux pour essayer de savoir l'heure. Fait que le temps que t'es fini, ben, ça change d'heure. Ça coûte combien? 3 500 $ parce que c'est, je crois que c'est couvert d'or ou de peu importe qu'est-ce qu'ils ont décidé de couvrir dessus. C'est ça. Ouais, y a une version à 20 000 aussi qui incorpore un anneau de diamant autour. Ouais. Super, hein? J'aime ça, moi. T'es en voyage et tu veux te raser. Tu veux te raser, mais t'as pas de rasoir avec toi. Mettons ton portefeuille, par contre. Donc, pourquoi ne pas combiner le meilleur des deux mondes en mettant un rasoir en forme de carte de crédit dans ton portefeuille? Donc, vraiment, tu as la lame qui se met de l'autre côté du miroir parce que tu as un miroir pour te raser. De l'autre côté, la lame et de l'autre côté, le rasoir, très, très plat. Et puis, tu as même des petites bandes lubrifiées, d'accord? Tu peux ajouter l'odeur de l'océan et l'odeur du citron, par exemple. Tu rajoutes cette bande-là sur ton rasoir et puis après, il n'y a pas de crème à barbe. Fait que tu vas souffrir. Mais au moins, tu vas souffrir maintenant à la place d'attendre d'avoir un rasoir ou de passer à la pharmacie à côté. T'sais. Et ça, ça coûte 17 $. Oui? OK, c'est ça, je m'en allais demander. Combien ça coûte tout ça? Pas cher, 17 $. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que tu as déjà ton portefeuille d'ouvert pour sortir ta carte de crédit pour payer maintenant. Tu peux la remplacer, tu peux mettre à côté juste ton rasoir. Dans une file d'attente, ça serait bien aussi. C'est ça. Maintenant, un que j'aime vraiment beaucoup, on va se dépêcher, il n'en reste pas beaucoup. Le Eco Tencils, c'est des ustensiles, d'accord, écologiques. Parce que je sais pas si tu savais ça, là, mais une fourchette de plastique blanche, ça prend 6 mois et plus à se décomposer. Dans une place où ils mettent les vidanges, un dépotoir, c'est bien ça? Oui. Dépotoir. Bref, c'est pas très bon pour l'environnement. Mais ce que la compagnie Eco Tencils, je crois, l'Eco Spoon, ils ont créé ce produit-là, qui est une cuillère, ça vient sur un carton que tu plies toi-même et que tu colles comme un genre de petit bout collant à ça. Et si tu vas voir la photo sur assemblagerequis.com, ça va peut-être être plus clair. Mais bref, ça devient en gros une genre de cuillère bizarre. Quand tu prends ça, et là, tu peux prendre avec tes doigts qui sont collés sur le bout collé, hein, tu peux aller prendre ce que tu as à manger et le manger. T'sais. Il l'a en deux versions, la version minuscule et la version plus grosse. Ils ont montré ça en démo et ça a fait fureur. Donc, j'imagine qu'on va voir ça un petit peu partout. Surtout pour dans les épiceries, les échantillons, quand tu as à manger quelque chose, tu as une petite cuillère de plastique qui va prendre 6 mois à se décomposer ou un petit carton qui est à l'épreuve de l'eau. C'est vraiment un carton traité, donc t'as aucun problème, ça va pas devenir tout dégueulasse dans ta bouche. Là. Mm. Donc je trouve que l'idée est vraiment merveilleuse. C'est disponible les Eco Spoons en carton de 5000 unités pour 200 $, alors que la version plus petite pour les démonstrations, par exemple dans une épicerie, Eco Tester Minis, c'est 95 $ pour la même quantité, donc 5000 unités de ces petites cuillères-là. Donc c'est vraiment un morceau de carton que tu plies d'une certaine façon que ça devient une cuillère. L'idée est fantastique, je trouve. Et cette idée, c'est sur assemblagerequis.com? Exactement, assemblagerequis.com. Dans la section, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, c'est des liens les plus en bas. Parce que je suis rendu presque à la fin de la chronique. Deux derniers qui sont vraiment rapides, ceux-là. T'as des prises de courant à la maison. Et là, t'as vu les publicités de Bell où les prises de courant en parlent. Oui. Mais tu trouves ça plate que tes prises de courant à toi parlent pas. Bon, mais elles vont pouvoir continuer de ne pas parler, mais au moins, elles vont pouvoir avoir de la personnalité avec des petits autocollants qui s'appellent Creative Outlets. C'est pour donner une personnalité à vos prises de courant. Donc, c'est vraiment des lunettes des lunettes avec les gros nez, ou des grosses lunettes de hipster, ou une casquette avec une barbe, ou un afro, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quel style. Tu peux même faire un petit chien avec. Donc, c'est des petits autocollants que tu peux acheter sur Internet en allant voir l'article, évidemment, avec une adresse beaucoup trop longue. Je vous la nommerai pas en nom. Mais allez sur le site pour retrouver ça. C'est un petit peu comme un genre de Monsieur Patate, mais pour vos prises de courant. Et même si vos prises de courant vont avoir de la personnalité, j'espère que vous allez avoir le bon sens de quand même empêcher vos enfants de toucher à la prise de courant. Parce que, tu sais, bon, ça peut être tentant, tu sais. C'est ça. En effet. Tu sais, tu veux peut-être nourrir ton petit bonhomme avec une fourchette de métal. Oh, tiens, mange. Ouais, c'est ça. Plus d'enfants, ça. Et le dernier, c'est un oreiller pour iPad. Un oreiller pour iPad. Parce que, tu sais, un iPad, c'est pas confortable. C'est un petit peu plus lourd que ça devrait l'être. T'sais, la technologie n'est pas encore rendue super légère. Donc, un coussin, si tu mets ton iPad dessus, l'ordinateur va tomber. T'sais, c'est un peu comme quand tu mets ton portable sur tes cuisses, mais t'es assis, des fois, ça va vouloir revenir. C'est pas confortable, c'est bien glissé. Donc, ce coussin-là a une fente à l'intérieur pour venir amortir la chute de ton iPad. Il va tenir là, va tenir dans le petit encreux, genre. Et sur le côté, t'as un rack pour mettre des collations ou ton iPhone ou d'autres gadgets Apple, là, genre ta petite télécommande Apple Remote. Là. Ça coûte 30$ le ePillow. ePillow, ça vient en brun ou en noir. Cet accessoire pour iPad, c'est fait de polyester doux et de suède. En fait, non, ça c'est du polyester doux qui a le feeling du suède. C'est pas du vrai suède. Sinon, ça coûterait sûrement plus que 30$. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. Là, on a réglé plein de problèmes. Un ou moins un. Avec les cuillères, surtout les cuillères. Le problème de l'environnement, c'est important. Oui. Bon, lequel tu vas acheter là-dedans? Lequel que je vais acheter? Peut-être le truc à prise de courant. Ah oui, c'est cool. C'est plus comique. Ah, t'es une petite comique, toi. C'est ça, la fin. Ah oui. C'est ça qui est le fun. Ah, c'est le fun. Voilà, donc il nous reste très peu de temps à l'émission. On va aller entendre une pièce rapidement de Hot Hot Heat. C'était un succès qu'on faisait jouer tellement souvent l'année passée, dans le temps que c'était Stéphanie qui co-animait avec moi. Et cette pièce-là, on n'a pas réentendu souvent depuis. Et puis là, ça me tentait, tu sais, j'y pensais, c'est l'été fini. Toi aussi, je vais arrêter d'animer avec toi cette émission-là bientôt, mais après ça, on va faire d'autres choses. Hein. Genre. Fait que, bref, 21 at midnight de Hot Hot Heat, tout de suite, au 89 FM. Et après ça, on revient avec le mot de la fin. Peut-être poutine. Take the hell down. Out of breath, lungs, those make you legend. 21 at midnight, the hot, hot heat à la vie croisière d'assemblage requis. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. On remercie tout le monde qui a participé, évidemment. Stéphanie Gagné, Justine Renaud, Simon Fitzbé, Mathieu Plante. Ah, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Il nous reste deux émissions ensemble dans la vie de croisière d'assemblage requis. Oui. Tempérons nos commentaires ici pour la vie de croisière d'assemblage requis. Et on va se retrouver la semaine prochaine, donc jeudi, entre 13h et 17h. Rediffusion samedi à midi et lundi à 15h. Ce qui nous suit le jeudi, c'est La Sécheuse, puis à 18h, La Spirale. Ce qui nous suit samedi, c'est C'était fou, avec moi-même, une reprise de la première saison. Et le lundi, c'est La Sécheuse, suivie de Rock Révélé. N'oubliez pas d'écouter toutes les autres émissions en visitant le www.cif.ca et à télécharger la balado-diffusion et les notes de l'émission. En fait, téléchargez-le pas, les notes, lisez-les sur assemblagerequis.com. Venez être amis avec nous sur Facebook aussi en suivant Assemblage Requis. Bonne journée, bonne fin de semaine. Ben, bonne semaine, Mathieu. Et au revoir à vous, les requins. À la semaine prochaine. On se quitte avec Malajube et la pièce Synesthésie. Bye.